plus ne circulent dans l'eau. De manière générale, c'est la pluie qui va s'inviter quasiment partout. Seule la Bretagne et l'Alsace Champagne-Ardenne seront épargnées. Les températures ce matin qui vont de 1 à 15 degrés, 6 en Ile-de-France, entre 10 et 24 au meilleur de la journée. Puis la qualité de l'air qui reste impeccable, les indices compris partout entre 2 et 4. François Hollande s'attendait peut-être à faire le buzz, mais sûrement pas à être à l'origine d'une bombe médiatique. Réactions nombreuses suite à la parution aujourd'hui du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». L'ouvrage est le résultat d'une soixantaine d'entretiens entre deux journalistes et le chef de l'État. Première conséquence, la justice qui s'indigne après des accusations de lâcheté. François Hollande a dû recevoir hier les deux plus hauts magistrats du pays pour rendre des comptes à l'Élysée. Il demande que les propos soient infirmés ou démentis publiquement. Une soirée importante pour les candidats à la primaire de la droite et du centre. Ils seront 7 à tenter de faire passer leurs idées ce soir sur TF1. Tout le monde s'attend à un duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, le maire de Bordeaux qui est largement en tête des sondages. Il a reçu le soutien hier de l'UDI par la voix de son président Jean-Christophe Lagarde. Tous les prétendants à l'investiture pour la présidentielle auront entre 15 et 17 minutes pour s'exprimer. On ne connaîtra probablement jamais le fin mot de l'histoire. Le Syrien soupçonné d'avoir préparé un attentat contre un aéroport allemand s'est suicidé. L'individu âgé de 22 ans s'est pendu dans l'hôpital de la prison où il était détenu. Ce sont 3 autres réfugiés qui l'ont livré aux autorités dès qu'ils ont su qu'il était recherché dans le cadre d'une enquête terroriste. La police visée par des tirs hier soir à Nice, les forces de l'ordre ont répliqué. Un homme a été interpellé sans que personne ne soit blessé. L'individu était fortement alcoolisé. Donald Trump qui a peut-être définitivement perdu la guerre pour la Maison Blanche. Nouvelle polémique pour le candidat républicain. 2 femmes l'accusent d'attouchement sexuel. Là, dans la presse américaine, les faits se seraient produits dans les années 80 et en 2003. Trump est complètement lâché là par les républicains qui semblent prêts à perdre l'élection et repartir pour 4 ans avec les démocrates. Le principal intéressé réplique et dénonce un assassinat politique. Un petit tour et puis s'en vont. Les ultras du PSG ne seront peut-être pas de retour tout de suite. Une réunion était organisée hier entre les supporters, la préfecture et la direction du club. On ne sait pas ce qui s'est dit, mais les ultras ne sont pas contents. Ils affirment qu'aucun d'entre eux ne sera en tribune tant que leur retour ne sera pas pris au sérieux. Merci Rémi pour les infos et le prochain rendez-vous dans une demi-heure. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Bonne journée à vous, il est 6h, on est jeudi, c'est parti pour le morning. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Tifoul. Ah. Dis-moi qui est le plus radin. Romano. Qui est le poids lourd de l'émission. Cédric. Qui a les plus gros seins. Bah, encore Cédric. Désolé, Cariole, mais t'es belle quand même. Oh. Et qui te réveille tous les matins, les matins. Le morning de Tifoul sur Skyrock. C'est le morning de Tifoul sur Skyrock. Bonne journée, bonjour et bienvenue sur Skyrock. Le morning allégé aujourd'hui puisque sans Cédric, bonjour. Mais le morning avec un grand retour. Mais oui, vous l'avez entendu, il est là, il est de retour pour vous sur Skyrock. I'll be back. Bonjour Romano, bonjour à toi. Mais comment vas-tu ce matin? Oh bah ça va, mais j'étais déjà là hier soir. Mais comment vas-tu ce matin? Bah moi je pensais que tu prendrais la table de mixage vu que hier a priori c'était DJ Tifoul hier matin. Oui, vous avez eu droit à DJ Tifoul hier matin car Romano n'était pas là, il était tout malade, il a eu son ventre tout torturé par une petite gastro, grippe intestinale. Ouais, c'était plutôt c'était le trou du cul surtout. Et son trou du cul torturé aussi. Trou du cul, il fuyait. Et oui, c'est des choses qui arrivent, on salue d'ailleurs tous ceux qui sont. Ah bah d'ailleurs faites gaffe. Ils sont malades, il y en a plein, hein. On s'est renseigné déjà Skyrock, il y en a plein. Attention, ils sont contagieux. Bonjour Cariole. Bonjour. Bonjour Sam. Bonjour. Bonjour Rémi, c'est déjà fait. Karim arrive aussi, il se fait un petit café, il arrive dans un instant. C'est tranquille hein, ce matin, vous voyez, hein, en direct sur Skyrock, le morning pour ce 13 octobre, avec au programme, bah écoutez, notre réveil de star. Hier, on a eu de beaux réveils de star, Romano. Hein. Mm-hmm. On a eu un Jean-Marie Le Pen en fin d'émission. Oh, formidable. Il était super. On a eu un Bryce the Nice et du Kev Adams hier matin. On a fait dans le lourd hier matin, là. Sinon, gros retour des conseils pas chers ce matin. Ouais. Un rendez-vous qu'on vous donne à 6h40 avec Romano et ses conseils pas chers à pas louper. Tu sais déjà ce que tu vas nous faire tout à l'heure à 6h40 ou tu veux garder le suspense du suspense? Oh, je peux vous dire, c'est rapport avec les yeux. Ah bah c'est bien parce qu'on en a tous. Ouais. Eh oui. Eh deux oui. Ou un, pour certains. Certains en ont un, d'autres deux, oui. Ouais, mais tout le monde a des yeux. Ouais. C'est bien, ouais, c'est bien les yeux. Bon, on va donc en parler des yeux puisqu'on en a tous. Mais oui, Cariole, tu en as deux. Elle était en train de compter. Mais dis donc, mais si t'en as deux. Elle n'y arrivait pas parce qu'elle avait mis ses petites lunettes ce matin, ça fait sexy. Après. Ouais, c'est sa silhouette de secrétaire. Oui, peu. C'est ça. Et donc, elle n'arrivait pas à toucher ses yeux à travers les verres des lunettes. Mes yeux. Ils sont dessous les verres, Cariole. Moi, je suis très peur. Bon, bonjour à vous qui vous réveillez. Regarde, on t'accueille, Romano. Moi, j'ai la maladie de FIFA 17. on nous dit, bah, c'est mieux que ta maladie d'hier. Ouais, ça va, c'est moins chiant, ouais. C'est gaming. Nous, on offrira, tiens, tu parles de FIFA 17, vos consoles. Et à gagner tout à l'heure à 6h20, ce sera votre PS4 Slim. La première de la matinée à gagner tout à l'heure à 6h20, plus vos iPhone 7 un petit peu plus tard et évidemment vos 1 500 euros, parce que hier on s'est pas privé, on vous a offert des sous. C'est tombé, et ben c'est tombé par exemple chez Julien à Firmini du côté de chez moi. Lui, il s'était inscrit sur le 7 20 20, il a bien fait, hein. Et oui, parce qu'à Firmini, il y a les SMS. Exact. Bah, bien sûr, et Romano, oui. Attends, à côté de Saint-Étienne. Écoutez bien, Julien, hier matin, eh bien, il a gagné 1500 euros en répondant Skyrock, c'est facile. C'est comme ça qu'il faut faire. Oh putain, des foules. Oh putain, Julien. Oh nom de Dieu, c'est ça qu'on dit à Saint-Étienne. Okay, on est à côté de Saint-Étienne, on est à Firmini, on est chez toi, Julien. Et quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et tu viens de gagner 1500 euros. Bravo. Ouais. Bravo. 1500 euros pour toi. Merci, Sky. Bah oui, on est comme ça. Ils ont oublié le bip bip. Ouais. Ah ben ouais. Mais c'est qui le débile qu'on entendrait faire Eh bien, c'est notre ami américain des infos qui ambiançait un peu l'affaire. C'est bien, Rémi, c'est bien. Put your hands up. Put your hands up in the air. Mais oui. C'est put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Bon, vous le retrouvez tout à l'heure pour les infos. Et à n'importe quel moment, on ne sait jamais. Et le réveil de star de ce matin. Alors, c'est qui le réveil de star de ce matin? C'est qui? C'est un grand journaliste. On va le retrouver dans un instant, un journaliste qui va réveiller les familles de stars. David Pujadas? Non, il est tout petit, Romano, David Pujadas. Ouais, mais il est connu, quoi. Oui, il est connu, mais il est tout petit. Gilles Boulot? Non, Gilles Boulot, il est tout petit aussi, lui. Et à 20h, les journalistes. Non, Gilles Boulot, je crois pas qu'il est petit. Il est grand, je crois. Je l'ai vu, il est tout petit. Ah ouais. Non, j'ai vu hier avec Jean-François Copé juste à côté pour l'histoire de leur débat Copé, ce il est soir. Grand, hein. Non, Copé 1m82. Bah, il est grand. Grand, donc. Bah, pour toi, oui. Ça dépend pour qui, hein. Bah pour toi aussi, Difool. Bien sûr que non, je mesure 1m97. Ouais, t'écoutes Difool, t'as l'impression que le mec mesure 3m. Non, 1m97, presque 2. Ouais, mais bien sûr. Ouais. Bon, on en reparle dans un instant. Lui, il est grand par contre. Hein. Grand journaliste, mais de taille aussi. Hein. Allez, on le retrouve. Préparez-vous, il réveille les familles de France après les 21 Pilots. Ce qu'on écoute tout de suite, c'est Ride à 6h05. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. 21 Pilots sur Skyrock. Je cherchais 21, c'est 21, ça. Hein. Yeah. Les 21 Pilots, si vous voulez, hein. 21 Pilots pour se réveiller ce matin. C'était Ride dans un instant. Major Lazer avec Linon, le gros son de Major Lazer qu'on va retrouver. Ça, c'est bien, ça. Ça va nous rappeler l'été d'il y a, pas l'été là, l'été d'il y a un an. C'est ça. Où on dansait tous les malvés sur Linon. Put your hands up, Rémi. Ah, hein. Voilà. Et ben voilà, on y arrive à Put Your Hands Up. Alors, Romano, tu voulais amener un démenti sur des propos que j'ai tenus il y a quelques instants. Bon, une fois de plus, t'en as dit une belle. Ben quoi ? Ben, Gilles Bouleux, il est vachement grand. Alors, combien il mesure ? 1m86. 84. Hein. 84. Ah, ben là, il est très grand. Ah, ben attends. Ben non, mais tout à l'heure, il disait de la merde, dit Foul. Tout dépend où est-ce qu'on se place. Hein. Si vous mesurez 1m90, les gars, vous trouvez qu'il est petit ? Si vous c'est me direz, non, mais 1m84, ça va, c'est quand même, c'est déjà ouais, pas mal. Ça va, 1m84, gros. Bon, bah, c'est pas Gilles Boulot. Il y a même pas un membre de l'équipe qui fait cette taille-là. Bah, qu'est-ce qui, si, moi, 1m97. Si, moi, non, je fais 1m80, moi. Donc, ah, bah, non, donc, il y a personne qui fait sa taille. Ouais, et Carriol, elle fait. Mais je sais pas, Eddie Fool, il dit vague avec ses 1m70 à tout péter. Bon, on va retrouver, de toute façon, c'est pas lui, notre réveil de star ce matin. Notre réveil de star est un autre journaliste. C'est lui. Bonjour. Salut. Ah, mais c'est Bernard. Oui, Bernard de la Villardière. Comment ça va? Ça va, mais faites toujours comme ça. Bonjour. Imaginez, ça va, bien. Et vous, bonjour tout le monde. Bonjour. Et alors la pêche, Bernard. C'est Bernard, ouais, je sais. Ouais. C'est pas la pêche, c'est Bernard. C'est pas la pêche, c'est Bernard. Il comprend pas trop les blagues. Non, hein. Non, il comprend pas trop. Bien, il est journaliste. Allez. Aussi, hein. Bernard de la Villardière, le roi des reportages sur la drogue, sur la prostitution, sur le sexe également. Ouais, c'est ça. Le dimanche soir. Le sexe, c'est son programme. C'est les trois mamelles de Bernard de la Villardière. Ah ouais, c'est sa vie. Eh bien, on va le retrouver tout de suite. Il vient d'M6, hein. Et il y arrive sur Skyrock ce matin pour réveiller la France. Journaliste à M6. Je sais. La classe. Journaliste à M6. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors. Les stars réveillent la France. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Journaliste à M6 et réveil de stars sur Skyrock. C'est la classe. Bernard de la Villardière est le présentateur d'enquête Bertrand. Exclusive entre autres. Ah oui, enquête exclusive, c'est vrai. C'est ça. Il arrive toujours pas à dire le nom d'ailleurs. Non, enquête exclusive. Oui, non, c'est toujours pas ça, Bernard. Qui est réveil de stars. Qui est Bertrand maintenant. Oui. Et... Bonjour. Oui. Comment ça va? C'est qui? Bernard. Bernard. Oh, Bernard! Excuse-moi, j'étais pas sur toi du tout. J'ai fumé parfois du cannabis. Ouais, ça m'a arrivé, quoi, ouais. À un âge où, à une époque où le cannabis n'avait pas la dangerosité qu'il a aujourd'hui. La dangerosité? Ah, faut faire attention à ce que tu prends, ouais. Mon esprit a quitté mon corps et pendant 2 jours, je me suis battu pour réintégrer mon corps. Et... Voilà. Écoute, tu devrais faire gaffe, là, tu m'as l'air bien chaud, je sais pas si tu conduis, mais... Bertrand, ça a failli être mon prénom. Mes parents m'ont pas dit, m'ont appelé Bernard, parce que Bertrand, ça faisait un peu trop chic. Bertrand de la Villardière. Ouais. Ouais, c'est sûr. Le nombre de femmes qui m'ont reproché de m'appeler Bernard et qui auraient aimé que je m'appelle Bertrand, vous pouvez pas ouais, savoir. Ouais, c'est ça. Vous avez un charme incroyable. Bon, après, à part faire chier le monde, t'as pas autre chose à foutre dans ta vie. Y a un problème? Bah, tu commences à me chauffer un peu, je crois que je serai en face de moi, je vais te... C'est qui lui? C'est mon chien. D'ailleurs, si tu veux, je peux te le faire montrer. Ah oui? Ouais. Il est vieux, mais il peut bien te bouffer, ouais. Il a encore des bonnes pattes. C'est plutôt bas de gamme, à mon avis. Un c'est peu plutôt avec les dents, c'est combien? Bah, tu peux venir chez moi, tu vas le voir. Puisque t'as trouvé mon numéro, tu sais où j'habite. Ouais, bien sûr. Bah viens, t'as ma porte d'entrée, il y a une sonnette, tu sonnes, je vais t'ouvrir, je vais te recevoir, gamin, y a pas de problème. J'ai 55 ans. T'as 55 ans, toi. Oui. À 55 ans, tu fais chier le monde. Oui, ça m'arrive. Écoute-moi, petit bâtard. Moi, les femmes me disent que, au fur et à mesure, j'ai une voix de plus en plus sensuelle, ce qui rattrape évidemment le physique qui s'égare et qui... Ouais, mais j'en ai rien à foutre de ce que les femmes te disent. Écoute-moi ce que je suis en train de te dire. Tu me rappelles encore une fois, enculé, je te trouve, je t'égorge. C'est sexe contre sexe. C'est quoi ton problème, justement, sexe contre sexe? T'as une petite bite, c'est ça ton problème? Va te faire enculer. Oula. Moi qui fais le tour des putes de la planète. Eh oui, eh oui. Elles sont toutes belles. Bernard de la Villardière qui a failli, on a appris des trucs, s'appelait Bertrand de la Villardière. Passionnant ça. Passionnant la vie de Bernard. Hein. Ah ouais, ouais. C'est magnifique. Avec sa belle raie. Au départ, l'autre était un peu dans le cul, trouvait ça rigolo. Ouais, au bout d'un moment, ça l'a quand même gavé. Au bout d'un moment, il l'a mal pris, Bertrand. On le remercie en tout cas. Bravo Bertrand, famille. Merci de sa participation. Bravo Bernard, journaliste. Bertrand de la Villardière, ça a failli être son nom. Et ça, c'est le scoop de ce morning pour l'instant. Je sais pas si je vais m'en remettre, moi. J'espère qu'on en aura d'autres, surtout. Hein. Ah si, dans un instant, on va faire dans le lourd. Attention, gros invité mystère à découvrir. On va vous offrir vos PS4 Slim. La PS4 Slim a gagné. Et ben, c'est juste après. Le son de Major Lazer qu'on vous avait promis. Linon, ouais. La version original mix. Yeah, allez, c'est parti. Le son de Linon. Vous allez voir, fermez un peu les yeux. Sauf si vous êtes sur la route, c'est dangereux. Hein. Mais sinon, ça va vous rappeler des vacances. Vous êtes sur l'autoroute à 130, fermez les yeux. Quand vous vous éclatiez comme des bêtes en maillot de bain, tout mouillé de partout, avec votre boxer, avec les filles qui vous regardent dans tous les sens. Major Lazer, Linon à 6h13. Les stars réveillent la France. Moi qui ai fait le tour des putes de la planète. Elles sont toutes belles à l'intérieur. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Et en fait, le réveil de Star est de retour dans une heure hein, sur Skyrock, attention. Do you recall, not long ago, when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. Sur Skyrock, on écoutait Major Lazer. Bonne journée, bon réveil et bonne chance. C'est l'heure de jouer à l'invité mystère tout de suite. Alors, un invité mystère gros ce matin. C'est du poids lourd. Alors, c'est pas gros, c'est pas Valérie Damido. Hein. C'est... Gros, genre connu quoi. Même si Valérie Damido est potelée, pas grosse. Un Romano. Ah ouais. Ah non. Ah, vous êtes d'accord avec moi, ça fait plaisir. Ouais. Donc là, c'est du lourd, du lourd ouais. Qu'on va retrouver tout de suite. Voici donc notre invité mystère. Alors, PS4 Slim a gagné. Bonjour. Passons à l'invité mystère. Hello everybody. Des idoles de Rémi, par exemple, des idoles de Rémi de l'équipe. Je vous le dis tout de suite. Qui c'est? Eh ben, vous nous envoyez vos messages vite au 41 759 ou alors avec l'appli Skyrock. Skyrock number one. Oh,

je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Appelle les pompiers. 6h23. Check, check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio, ça. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Et bon réveil à vous, j'espère que vous aussi vous êtes en pleine forme. On se réveille ensemble tous les matins. On va vous offrir 1 500 € dans moins de 10 minutes. 1 500 €. C'est pour vous. Première enveloppe, elle est là déjà. Elle est prête. Si vous répondez Skyrock, ouais, c'est gagné. Bonne chance d'avance. Et puis là, on va accueillir Jim. Il est au téléphone avec nous en direct de Bordeaux. Bonjour, Jim. Salut, Jim. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut. Salut, Jim. Et écoute bien. Écoute bien cette voix. Écoutez bien cette voix si vous réveillez. Skyrock number one. Skyrock number one. C'est un gros, gros invité mystère ce matin. Et il est à découvrir. Mais tu l'as découvert, Jim. Hello, everybody. Hello, everybody. Qui c'est? Barack Obama. Barack, mais c'est oui, du lourd. Hein. Barack Obama, le président du monde, des États-Unis, d'Amérique, encore pendant jusqu'en janvier. Hein. Ouais. Obama. Après Donald Trump ou Clinton, on verra. Perruque-man ou alors l'alien. Hein, c'est au choix. Hein. Qui va gagner l'élection? On en saura un petit peu plus tard. Mais Barack Obama, qui termine son deuxième mandat, fait des révélations. Et ce matin, grosse révélation. Mais gros cadeau pour toi, Jim. C'est gagné. Bravo. C'est cool. Et ben, c'est cool. Gagné. Pourquoi? La PS4. La PS4 Slim. La dernière qui est sortie, elle est pour toi. On l'envoie à la maison. Bravo. C'est cool. C'est possible avec FIFA 17 ou bien? Ok, possible avec FIFA 17 ou bien, allez, ou bien on envoie FIFA 17 avec. C'est parti, à la maison, Jim. La PS4 Slim. Ouais. Attention, ouais. C'est la Slim c'est qu'on a. Ouais. Ah oui, bah la toute dernière quand même. Alors, je sais pas s'il prend des feuilles Slim, Barack Obama, mais il a parlé de drogue à la télé. Mais il avait dit déjà qu'il fumait des joints. Ouais, mais il en a dit encore un peu plus. Il a interviewé. Ouais, c'est Mike Lemore, Mac Lemore, qui l'a interviewé. Ah oui. Vous savez, celui qui fait Thrift Shop. Candleless. Et où Candleless aussi, tiens. Là, c'est Trip Shop. Interview sur MTV aux États-Unis dans une émission sur la drogue. C'est-à-dire que Barack Obama, quand même, il a reçu Mac Lemore pour répondre à des questions uniquement sur la drogue à la Maison Blanche. C'est sympa, hein? Vous imaginez François Hollande qui ferait des révélations. Je prends de l'opium. Ah, ou Nicolas Sarkozy. Je prends de la cocaïne. Du calme, messieurs. Eh bien, Barack Obama, c'est un peu ce qu'il a fait hier. Écoutez bien la voix d'Obama qui parle de drogue. Je vous fais la traduction si vous en avez besoin. Hein, ouais, on veut bien. Merci, Diffoul. Seulement si vous avez besoin. When I was a teenager, drugs, I drank. I pretty much tried whatever was out there. Ah, mais quand même. Il l'a dit quand il était adolescent, il a pris de la drogue, il a bu, il a testé à peu près tout ce qu'il y avait sur le marché, dites donc. Ah bah voilà. Ouais, mais il a parlé de la drogue la plus dangereuse pour lui. Écoutez bien. I was lucky that I did not get addicted, except to cigarettes, which took me a long time to quit. Je suis content de ne pas avoir été addict à toutes ces drogues que j'ai essayé. Il a tout essayé, elle a dit. Et c'est quoi qu'il dit sur la cigarette? Eh ben, c'est le seul truc qu'il n'arrive pas à arrêter. Ah oui, il en fume en secret de sa femme, je crois. Ah oui. Ça, ouais. Vous imaginez s'il a tout pris. Ouais. Le seul truc, il est solide à Barack Obama quand même. Hein. Ça va, ouais. Ah, président des États-Unis, United States of America. Ouais, yes, bless America. Comment donner la période des révélations? Peut-être qu'on aura bientôt des révélations sur François Hollande. Il va faire un livre. Oui, quoi, il y en a déjà un qui est sorti, je pense qu'au niveau des révélations. Ma France, la drogue et moi. Voilà, ouais. Hein, par exemple. Bon, ça, c'était sur une émission sur MTV. On va mettre les images. Mac Lemore, qu'on avait reçu à Skyrock, et lui qui a été reçu par Barack Obama. À la Maison Blanche, ouais. On sait jamais, peut-être qu'on Obama viendra nous voir un jour. C'est jamais, il va arriver avec sa limousine là, américaine. Ouais, un ouage au bec. Un ouage au bec et Barack Obama là. Bon, bah écoute, bravo, on peut remercier Barack Obama de s'être drogué. C'est grâce à lui que t'as gagné ta console ce matin. Bravo le Bordelais. Ouais. On te souhaite une belle journée en tout cas. Hein. Bye bye Bordeaux. Exactement comme tu le dis si bien, Romano, en américain, parce que tu parles très bien l'américain. Bye bye Bye bye Bordeaux. Et merci bye, Barack bye. Obama. Salut. Thank you very Julien. Much. Ciao Julien. Check, ciao. Check. Dès 6h. C'est que le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est des conneries à la radio, ça. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Baby, I like your style. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow, make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, on a appris la grande nouvelle sur Drake. Hein. Il arrive en France au mois de mars prochain. Il sera là le 12 et le 13. Ouais, à l'Accor Arena. Exactement, à Bercy. Bercy, quoi. Ouais, quand tu galères comme moi, Romano, le matin très tôt, faut dire Bercy, ça marche. Ouais, c'est Bercy, oui. À Bercy, il vient à Paris, au mois de mars prochain. Drake, qu'on vient d'écouter sur Skyrock, le gros son de Drake. Dans un instant, Alonso, il est passé à Sky cette semaine d'ailleurs, au Planète Rap de Soprano. Ouais. Loupez pas le rendez-vous, hein, ce soir et demain. Demain en direct du Vélodrome. Ce soir, dans les studios de Skyrock à Paris. Soprano et le nouvel album arrive demain pour Sopra, l'Everest. Hein. Oui. Vous avez découvert tous les morceaux en exclu sur Sky. Allez, on se prépare à écouter le poteau dans un instant. Alonso des psychiatres de la rime. Ce sera Binta, mais tout de suite, il est 6h30. Pile, c'est l'heure des infos. On va être au courant de tout avec toi, Rémi. On va commencer par la météo. Alors, attention, si vous êtes dans le sud, il y a une alerte. Pas pour tout le monde, mais pour. Trois départements. Allez, trois départements. Ouais, on a alerte orange, pluie et inondation pour l'Hérault et l'Aude, là où un déluge est attendu aujourd'hui et puis même demain. Vent violent en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône avec des rafales prévues à 100 km. Les établissements scolaires de l'Hérault sont fermés aujourd'hui. Aucun bus ne circule dans l'Aude. Et puis de manière générale, c'est la pluie qui va s'inviter partout. Seule la Bretagne et l'Alsace Champagne-Ardenne seront épargnées. Les températures ce matin qui vont de 1 à 15 degrés, 6 en Ile-de-France, entre 10 et 24 au meilleur de la journée. Et puis la qualité de l'air reste impeccable. Les indices compris partout entre 2 et 4. Et le point sur l'actu tout de suite sur Skyrock. Et avant de retrouver vos 1 500 €, attention, c'est l'actu et le sport. Une soirée importante pour les candidats à la primaire de la droite et du centre. Ils seront 7 à tenter de faire passer leurs idées ce soir sur TF1. Tout le monde s'attend à un duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, le maire de Bordeaux qui est largement en tête des sondages. Il a reçu d'ailleurs le soutien hier de l'UDI par la voix de son président Jean-Christophe Lagarde et de plus de 600 élus. Tous les prétendants à l'investiture pour la présidentielle auront entre 15 et 17 minutes pour s'exprimer. Un démantèlement loin d'être simple et sans remous. François Hollande a promis que la jungle de Calais serait évacuée d'ici la fin de l'année. Plusieurs associations portent l'affaire devant la justice. Elles estiment que l'évacuation est une atteinte aux droits fondamentaux des exilés. Le tribunal administratif de Lille a 48 heures pour statuer. La police visée par des tirs hier soir à Nice. Les forces de l'ordre ont répliqué. Un homme a été interpellé sans que personne ne soit blessé. L'individu était fortement alcoolisé. Des policiers supplémentaires dans l'Essonne après l'attaque du week-end dernier à Viry-Châtillon. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. 100 gardiens de la paix seront affectés dans le département. Ce n'est pas assez pour les syndicats qui demandaient l'arrivée de 300 fonctionnaires. Le dialogue pour tenter de sortir de la crise en Syrie. Les chefs de la diplomatie russe et américaine doivent se réunir dans quelques heures. Les deux pays ne se sont pas parlé depuis plusieurs semaines. Vladimir Poutine a accordé une interview hier au journal de TF1 à 20h. Le chef du du Kremlin n'a pas chargé François Hollande. Il estime que les puissances occidentales sont responsables de la montée du terrorisme en Syrie. Et on va parler sport, et on en parlait d'ailleurs hier soir dans la Radio Libre, c'est chaud entre Ribéry et Grisi. Ouais, Ribéry est-il jaloux ou alors est-ce qu'il vise juste? Bref, le Munichois n'est pas tendre avec Antoine Griezmann, l'attaquant chouchou des Français et prétendant au Ballon d'Or ne semble pas convaincre l'ex-international. Il estime dans la presse allemande qu'on reconnaît un vrai joueur à sa constante et que pour l'instant, eh bien Griezmann n'est pas encore de constance, oui, et que pour l'instant Griezmann n'est pas encore de classe mondiale. Ah, il se vante un petit peu en disant que lui, ça fait 10-12 ans qu'il est au top du top, tout le temps quoi. Donc affaire à suivre. Sauf quand il est blessé, parce qu'il est blessé tout le temps aussi. Hein. C'est vrai. Et puis du foot, mais côté féminin, les Lyonnaises sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les tenantes du titre ont été plus fortes que leurs adversaires norvégiennes. Score final 5-0. Ce soir, ce sont les Parisiennes qui tenteront de réaliser la même prouesse. Merci Rémi pour les infos. La suite tout à l'heure dans une demi-heure. Il est 6h33. Bonne journée à vous, bonne chance. C'est l'heure de vous offrir 1 500 € en direct tout de suite sur Skyrock. La nuit a été courte. La journée sera moins longue avec le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Oui, et la matinée démarre très très vite déjà. Il est déjà 6h33. Déjà l'heure de vous offrir pour le premier rendez-vous de cette matinée 1 500 €. Toutes les demi-heures, vous allez pouvoir gagner 1 500 €. C'est simple. Vous répondez Skyrock. Ouais. Voilà, j'ai tout dit. On vous appelle, vous répondez Sky. Et c'est gagné. C'est comme ça que ça va se passer là dans quelques secondes. Première enveloppe qu'on va ouvrir tout de suite. Et Alonso qui arrive juste derrière. Et au programme, avant 7h du matin, on va vous faire le petit sondage du morning. Le sondage du morning qui concerne ceux qui ont du mal sur la route. Quels sont les départements, les régions dans lesquelles on conduit le mieux, les villes dans lesquelles on conduit le mieux, et évidemment, on va s'attacher plus particulièrement dans les villes, aux villes dans lesquelles on conduit le moins bien. Oui. À choper ce matin, donc 1 500 €, le sondage du morning à écouter, et entre les deux, les conseils pas chers, et là je me retourne vers Romano qui est de retour ce matin. Ouais, et ce matin on va parler de notre vue. Parce que c'est la journée mondiale de la vue. Ah, je me disais, il y a un truc. Parce que je me disais, comment il a eu l'idée qu'on parle de notre vue? Eh oui. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais on voit. Ouais. Bah, moi, j'ai des lunettes, par exemple. Mais tu vois mieux avec tes lunettes. Ah, bah, si je les enlève, je te reconnais pas. Hein. Ah, c'est juste une foule, regarde. Non, mais là, parce que t'es là, mais tu sais, tu te mets genre à un mètre de plus, je te croise, je te reconnais pas. Regarde, là, il y a Cédric, il a mis des petites lunettes et il a des cheveux longs ce matin. Ah ouais, c'est bizarre. Mais non, c'est carriole. Mais c'est carriole. C'est moi. Ah ouais, tu vois vraiment rien sans lunettes, toi. Aussi. Ah bah, une fois, l'ophtalmo, il m'avait dit « Mettez vos lunettes pour conduire, hein, vous pouvez confondre un humain et un chien. » J'ai dit « Moi, je suis quand même pas complètement con non plus. » Oui, et puis surtout, il peut ne pas voir la route. S'il reconnaît pas Carriole et qu'il la confond avec Cédric, ça peut être très dangereux. Ah ouais, il faut faire gaffe, ouais. Bon, votre vue ce matin est gagner de l'argent avec. Ouais, c'est ça, je vais aller contrôler la vue des familles. Très bien, on fait ça tout de suite après, les 1 500 € qui, comme promis, arrivent tout de suite. Mode d'emploi pour choper 1 500 €. Bonjour, c'est qui? Tu fous le tapel? C'est pas possible. Tu réponds Skyrock. Tu gagnes. Ah, déjà des réactions par rapport au sondage dont on va parler tout à l'heure, juste avant 7h. Regardez Arco qui nous envoie un message qui dit Toulon, c'est la ville avec la concentration de gens qui ne savent pas rouler. Un truc de malade. Je vais te dire si c'est à Toulon où les gens roulent le plus mal. Avant ça, hop là, ouverture de l'enveloppe et direction. Pas très loin, on file à Marseille. Dans le 13, chez Soprano. Enfin, dans la ville de Soprano, c'est pas Soprano qu'on appelle. Hein. On appelle Adriana Somano. Tu vois, une lettre près, elle s'appelait comme toi, Romano, dis donc. Ouais, c'est ça. Somano, c'est la famille Somano. Allô? Et Adriana. Bonjour, madame Somano. Adriana. Allô? Oui, Adriana. Vous êtes la radio. Salut Adriana. Eh oui, bip, tu es la radio. Oui, oui. Bip encore. Musique. Voilà, je ne sais pas, elle a paniqué. Ouais. Eh bien oui. C'est le stress. La peur de la célébrité. Elle s'est dit, je suis à la radio dans toute la France ce matin. Le trac. Je ne sais pas quoi faire. Là, les mains se sont mises à appuyer sur des touches. Je ne sais pas pourquoi. Et elle est partie. Bon, elle n'a pas répondu Skyrock. C'est dommage pour Adriana. On était chez les Somano ce matin. Et dans un instant, on file chez les Romano. Et à 7h, on vous offre 1 500 €. Encore, hein, 1 500 € si vous répondez Skyrock. On vous prépare. Préparez-vous. C'est pour vous. Il est 6h37. Le morning de Default sur Skyrock. Le morning qui fait. Des réveils. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau. Pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif et tu veux la consommer. Consommer son boulot, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal. Ce bout, on a coulé la nuit. C'est une bombe, c'est une kamikaze. Étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Sur Skyrock, Alonso est en pleine forme. Alonso, on l'a vu cette semaine dans Planète Rap, il est venu nous voir. Ce soir, Soprano a pas loupé à 20h. Hein. Oui. Et tout de suite, 6h40, on est pile à l'heure, c'est l'heure des conseils pas chers. Et la vue ce matin. La vue, c'est la vie. Il a des petites mains, des petits bras, une petite taille, un petit zgeg, une petite tête, mais un très gros portefeuille. Romano, les conseils pas chers sur Skyrock. Et alors, des lunettes ce matin. Et ce matin, Romano, tu veux les rendre hommage à tous ceux qui ont des lunettes. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont une mauvaise vue. On est plein en France à avoir des lunettes et une mauvaise vue. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Je dis on parce que moi aussi, malheureusement, je suis parfait, mais j'ai une petite faiblesse visuelle. Tifoul le matin, il vient avec sa binocle. Non, mais si j'ai pas mes lentilles, je vois rien, par exemple. Moi, je suis pire que Romano. Hein. Moi, je crois que vous battez tous. Hein. Ah ouais. Alors, mais Cariole, elle voit rien. On est en train de jouer à qui est le plus miro dans l'équipe. Alors, vous avez le choix. Romano d'un côté, Cariole en face et moi ici. Parce que Tifoul, il est sacrément miro. Hein. Ah. Moi, je suis à moins de 4,75 d'un œil et moins 6 et quelqu'un d'autre. Moi, pour vous expliquer, je sais pas si vous avez passé ça à l'école ou alors chez l'ophtalmo, je vois pas les grosses lettres, moi. Ah, mais moi non plus. Hein. Alors, vous avez pas de chance, quoi. Eh ouais, Rémi. C'est oui, ça, là. Ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Tiens, Rémi dit ça. Rémi, il est désespéré pour nous. Mais ça, bon, c'est bon, Rémi, on survivra, t'inquiète pas. Ouais, 10 c'est à bon. Chaque œil. 10 à chaque œil, Rémi. C'est la visite médicale de Skyrock qui me l'a dit. Tu vois, chaque os, c'est tard. Il y en a qui ont le cerveau qui fonctionne pas bien, mais les yeux qui fonctionnent. Bravo, Rémi. Ah ouais, hein, carré malin. Et puis, moi, j'ai le cerveau qui fonctionne. Et, bon, les yeux qui merdouillent. Et les yeux qui merdouillent un petit peu, mais bon. Hein. Bon, de toute façon, après, il y a les lunettes, les lentilles. Maintenant, il y a même les opérations laser. Ouais. J'ai mon petit frère qui a pleuré quand il est revenu de chez l'infirmière. Bah, Romano, t'avais pleuré aussi. Ah, regarde le message. Ouais. En CM1, moi, en fait, il venait dans la classe et il nous avait passé un parrain. Tu sais, ils te mettent les lettres avec l'espèce de truc en bois, tu sais, pour cacher un œil. Ouais. Et là, en fait, je me rends compte que je ne vois rien. Oh, mon pauvre. Et là, c'est le drame, je me mets à chialer. Bah, tu vois, tu feras un petit coucou au frère de Max. Dis-lui bonjour. Ah ouais, bah bonjour, frère de Max. Frère de Max qui est revenu en pleurant quand il s'est rendu compte qu'il voyait plus rien. Et après, quand je suis rentré le soir, je fais à ma mère. Je fais avoir des lunettes. Non, mais c'est vrai, c'est relou. Mais bon. Bon, après, on s'y fait, hein. Bah, tu es très séduisant avec tes lunettes, Romano. N'hésitez pas à aller voir les photos sur tous les réseaux sociaux. Hashtag Morning the Default et tous les réseaux de Skyrock sont ouverts. Oui, puis vous avez, si vous êtes opticien, que vous voulez m'envoyer des paires de lunettes gratuites, j'accepte. Hein. Ah, c'est gratuit, c'est pris, il prend tout. Hein. Ouais, non, mais je prends tout. Même des lunettes sans verre, allez-y, envoyez. Tout. Bon, alors ce matin, je vais aller. Même des lunettes de WC, tout. Je vais aller voir les familles. Oui. Et je vais leur faire un petit test de vue. Ce matin, je suis ophtalmo. C'est bien, faut toujours profiter des journées de. Aujourd'hui, journée mondiale de la vue dans les conseils pas chers. Et un petit coup de fil tout de suite. Ouais. Allez, Bernard. Bernard. Eh ben c'est la matinée des Bernards. On a eu Bernard de la Villardière tout à l'heure. Ah ouais. Eh ben maintenant c'est Bernard, mais Bernard au hasard dans l'annuaire. Bernard, peut-être Miro comme une taupe. Sans doute. Allô? Oui, bonjour, c'est Bernard? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapin, c'est l'appareil, je suis ophtalmo. Hein? Ophtalmo, vous savez, pour les yeux. Ah oui. Oui, et ce matin je vais venir vous faire un petit contrôle de la vue. C'est un truc organisé par la mairie, parce qu'aujourd'hui c'est la journée. Attendez. Oui. Comprends rien. Bernard, oui. Ça... Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Bernard? Oui. Oui, bonjour, madame, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, c'est l'appareil, comme j'expliquais à votre mari, je suis ophtalmo. Oui, alors? Oui, bah ce matin, je vais venir contrôler votre vue. Votre vie, ça va pour l'instant. La vue, faut contrôler. Ouais, je vais contrôler parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vue et la mairie organise des tests chez les habitants. C'est ça, monsieur, vous me foutez la paix, c'est 6h30, je suis pas réveillé. Ah hein. Bah, il faut ouvrir les yeux, moi je viens contrôler, hein. Oui, non, mais je vous emmerde, hein. Au revoir, ouais, écoutez, madame, un petit peu de politesse pour le corps médical. Oui, non, alors soit c'est une blague. Ah, pas du tout, moi je viens, je vous mets les doigts dans les yeux et je regarde si vous voyez encore bien après. Oui, d'accord, c'est très sympa comme réveil, je vous remercie beaucoup. C'est un test très rapide, hein. Ouais, c'est très rapide. Les doigts dans les deux yeux, comme ça, et je regarde après. Voilà, et 50 euros par personne. Elle est trop tard. Ah, ouais, elle est partie avant le prix, malheureusement. Mais t'es particulièrement vulgaire, cette dame. Au réveil, elle est comme ça, elle. Ouais, c'est ça, ouais. Et Bernard, son mari, comprenait rien, lui. Ouais, elle a rien compris. Tiens, prends le téléphone. Ouais, j'adore les maris qui, quand ils comprennent rien, filent directement le téléphone à leur femme. Oh, qu'elle doit être pour toi. Ça, c'est. après Bernard. C'est monsieur Michel. Michel. Allô? Oui, bonjour, c'est Michel. Oui, mais c'est qui, là? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, c'est l'appareil, je suis l'ophtalmo. Le médecin des yeux. L'ophtalmo, vous savez, pour les yeux. Bah oui, j'ai bien compris, mais arrêtez vos conneries, là. Ah ben non, mais... 6h30, l'ophtalmo, il appelle pas, hein. Mais si, mais écoutez, c'est la journée mondiale de la vue, et la mairie organise un petit test d'ophtalmologie pour les habitants. Oui. Donc ce matin, je viens, je te mets les doigts dans les yeux, et après je regarde si tu vois bien. Ouais, je t'emmerde, imbécile, là. 50 euros, je te prends. Connard. Pareil, hein, évidemment, parce que t'en as deux, j'imagine. Ouais, bah bien sûr, ouais. Bon, bah j'arrive... T'es vraiment un abruti. Attends, je suis flic, moi, je vais aller déposer plainte, hein. Ah bah c'est pas la peine, hein. Dans 5 minutes, je suis là, moi. Mais bah viens donc, je t'attends avec le fusil, moi. Ah bah très bien, mais t'en auras pas besoin pour mais les yeux. Un fusil à lunettes. Ouais. Ah bah voilà, non mais c'est bon, lui. Et t'es bien ma punchline. Ah ouais, génial. Un petit fusil à lunettes, journée de la vue, c'est aujourd'hui. Eh bah voilà. Merci, petit ophtalmo. Travail accompli, je vais chez le mec, là. Oui, il est 6h45, dans un instant, une minute précisément, on retrouve l'horoscope de l'amour. Et après, on va parler des bons et des mauvais conducteurs. Bon, on a choisi de parler des pires, hein, aujourd'hui. Oui. Oui. Une enquête est sortie dans Autoplus sur les villes dans lesquelles les automobilistes grillent le plus de feux tricolores. Ah, il faut faire gaffe parce que maintenant il y a des radars sur les feux rouges. Ouais. Justement, on va tout vous dire dans un instant. Vous allez savoir si c'est dans votre ville qu'on roule le plus mal, qu'on est les plus imprudents. Vous allez tout savoir avant 7h du matin. Le sondage du morning arrive et le son pour se réveiller. Eh bien, c'est parti avec Justin Bieber et DJ Snake dans une minute après l'horoscope. Nouveau message, Bouygues Télécom. En ce moment, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7, le Samsung A3 est remboursé. C'est 100% remboursé. Oui, bah c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Oui, une 100% super bonne nouvelle. Pendant les jours Tecna Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7 avec un forfait sensation, le Samsung A3 est remboursé avec un second forfait sensation 5Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom ou appelez le 3106. Tecnao égale la technologie du moment. Offre soumise à condition, engagement 24 mois. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock, l'horoscope de ce jeudi à 6h47. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et on vous dit tout, l'horoscope de ce jeudi. On va démarrer par les scorpions et les poissons. Vous avez à zéro aujourd'hui. Ah merde. Ah merde. Puissance amoureuse à zéro. Désolé les amis. Évitez de chercher à manipuler les autres aujourd'hui. Restez sincères. C'est ce qui peut encore le mieux fonctionner aujourd'hui. Et en plus, ça vous évitera des complications sentimentales et amicales aussi. Scorpion, poisson, zéro. 1 sur 5. Les Verseaux et les cancers. Ah, une humeur un peu capricieuse aujourd'hui au niveau de l'amour. Évitez de pousser le bouchon un peu loin. Voilà. Retenez-vous. Les Verseaux, les cancers. 1 sur 5. Ok, 2 pour les béliers et les sagittaires. Vous allez jouer au jeu du chat et de la souris aujourd'hui. Bon, l'essentiel est de se trouver, hein. 3 pour les capricornes et les vierges. Vous prenez de super bonnes initiatives en ce jeudi. Un jeudi d'amour qui vous attend, c'est bien. 4, les balances et les taureaux, c'est encore mieux. Vous avez la tête sur les épaules, c'est ça qui va attirer les autres aujourd'hui, les balances et les taureaux. Et pour finir, les lions et les gémeaux. Vous êtes lion, vous êtes gémeaux, vous allez pouvoir vanter aujourd'hui, vous avez 5 sur 5. Bravo. À l'horoscope, vous êtes les meilleurs, célibataire. Il y a peut-être quelqu'un qui vous kiffe en secret, qui va peut-être vous avouer quelque chose aujourd'hui. En tout cas, ça risque de bien se passer. Et pour les couples, parfait. Vous, pas de doute. Excellente journée entre vous et votre chérie. Même s'il y a eu des embrouilles ces derniers temps, tout va s'arranger. C'est parfait. Ah bah c'est bien. C'est l'horoscope à 6h49 et dans un instant, le sondage du morning. Dans quelle ville grille-t-on le plus de feux rouges? Vous saurez tout. Ça se passe en France et c'est peut-être près de chez vous. Juste après DJ Snake et Justin Bieber. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Justin Bieber et DJ Snake sur Skyrock avec Let Me Love You à 6h52. Et à 6h52, c'est l'heure du sondage du morning. C'est marrant parce que vous êtes tous persuadés que c'est dans votre ville qu'on conduit le plus mal. Je vois le message de Marco Moto, qui nous dit Annecy conduise comme Cédric avec son 2 roues, c'est-à-dire très très mal. Ah oui, c'est dire, oui. Juste avant, on me disait que ça conduisait mal du côté de Marseille, vous allez voir. Que ça conduit mal en région parisienne, les parisiens sont trop énervés chaque fois que j'y passe. C'est horrible sur la route, trop dangereux, en plus ils grillent les feux. C'est de ça dont on va parler ce matin. Eh bien oui, l'enquête sur les villes où on grille le plus de feux rouges. Vous allez voir si vous êtes dans le classement. Voici donc les 10 villes de France dans lesquelles on grille le plus de feux. Ouais. Sondage Auto Plus ce matin dans le morning sur Skyrock. Le sondage du morning de Difool sur Skyrock. Alors, on peut faire le jingle d'Auto Plus. Si tu veux, vas-y, tu veux faire le jingle d'Auto Plus, fais-toi plaise. Auto Plus, le premier journal qui se met à la place du conducteur. Voilà, très bien. Auto Plus, vous avez une pub gratuite qui était super ce matin. Alors, offrez-nous une voiture. Allez, voilà, bah oui. Bah, ils testent tout. Le prix de la pub sur Skyrock, ça vaut largement la voiture. Ah ouais, c'est clair, je prends une Ferrari, moi. Bon, notre sondage du jour, dans quelle ville grille-t-on le plus de feux rouges? Faites attention si vous êtes sur la route ce matin. Le feu rouge, c'est 135€ d'amende. Et combien de points? 4 points. Et 4 points, ça fait mal au cul, hein. Et après, si elle est majorée, 375€. Et si elle est encore majorée, 750€. Bah, ça fait mal au cul, les 750€. Oui, vaut mieux la payer le plus vite possible. Voici donc les 10 villes dans lesquelles on grille le plus de feux rouges. 10e, Clermont-Ferrand, l'Auvergne. Ah ouais. Attention. Les Clermontois, faites attention. Vous êtes 9e, les Bordelais. Bordelais, 9e. Les Bordelais, vous êtes aussi ceux qui sont les plus impatients quand le feu y passe au vert. Ah ouais? C'est vous qui klaxonnez le plus vite. C'est pas les Parisiens. Vous voyez, on dit souvent les Parisiens, ils sont énervés. Non, c'est vous, les Bordelais. 9e, les Parisiens, ils klaxonnent pas, ils poussent la voiture de devant. Dans quelle ville de France grille-t-on le plus de feu? C'est vrai, oui. C'est à Lille, à la 8e position. Ah. À Toulouse, à la 7e position. 6e, Nantes. Et là, on passe aux choses sérieuses. Les 5 premières villes dans lesquelles on grille le plus de feux rouges. Numéro 5, la belle ville de Strasbourg. Ah, Strasbourg. En Alsace, ça klaxonne, ça fait du bruit. Attention, attention, les feux rouges, tout ça. Avance, espèce de connard. Numéro 4, Nice. 5% de feux rouges grillés. C'est-à-dire sur 100 feux rouges, à 5 fois, à 5 reprises, il est grillé le feu rouge. Nice, vous êtes 4e. Numéro 3, les Lyonnais. 6% de feux rouges grillés, pas mal. Ah ouais. Numéro 2, Paris. Ah quand même. Les Parisiens, vous êtes 2e. Mais oui, vous êtes battus par les Marseillais. Vous avez c'est Marseille les premiers. Allez loin, moi. Et attention, vous avez entendu par exemple à Strasbourg 5% de feux grillés, à Lyon 6%, à Nice 5% aussi, un peu plus. Et à Marseille c'est 15%. Ah ouais, quand même. Fait 3 fois plus les Marseillais. Bravo les Marseillais. Ouais. Hein. Et je vois sur la feuille 46% de feux orange grillés à Marseille. C'est-à-dire qu'il y a un mec sur deux, ils sont fous. Ah oui, l'orange. Les oranges, mais moi les oranges, je les prends bien mûres aussi. Hein. Ouais, moi aussi, ouais. Vas-y. Mais par exemple, tu te fais arrêter par les keufs, si on s'en met derrière, ils vont te dire qu'il était rouge. Ça m'est arrivé une fois. Ah non, monsieur, désolé, il est orange. Et là, le keuf te fait, ouais, pas du tout, il était rouge. Demandez à mon collègue Gérard. Oh, Gérard! Ouais, bah, chaud. Effectivement, je suis en train de boire du rouge. Oui. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé si tu buvais du rouge. Il est passé au rouge. Ah, mais moi, ça m'est arrivé une fois, les mecs, ils auraient voulu comprendre. Ah. Bon, il était rouge, il était rouge. Ils veulent rien savoir. Donc, c'est à Marseille qu'on grise le plus de feux rouges. Soyez prudents, les Marseillais. Hein. Attention, on veut vous garder en entier ce matin-là. Bon courage si vous êtes sur la route. Restez bien branchés sur Skyrock. Il y a du gros son et dans un instant, le son de MHD. Akelenta, super MHD à écouter. On écoutera le nouveau Bruno Mars aussi juste après 7h. Panda et Designer, parce que j'avais envie de dabber ce matin. On va dabber, on va faire blablabla. Et puis, on vous offre 1500€. 1500€ pour vous. C'est juste après les infos de Rémi qui arrivent tout de suite sur Sky. Hein. Donc, au programme MHD, les infos et votre argent, 1500€, si vous répondez Skyrock. Sympa ton nouveau salon. Merci. Attends, laisse-moi deviner. Hein. Canapé, table basse, bibliothèque, meubles télé, lampe tapis. Allez, je dirais 687€. Ouais, comment tu sais? Yes! Bah voilà, j'ai gagné, j'emporte tout. Tiens, tu m'aides à prendre le canapé? Non, mais qu'est-ce que tu fais? Repose ça! Ah, si tout était comme chez Ikea. Pendant les journées qui changent tout, devinez le prix de l'une de nos 4 pièces mystères pour la gagner. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin Ikea, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Conditions sur Ikea.fr. Ikea! Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes.

20 à 15 degrés, 6 en Ile-de-France, entre 10 et 24 au meilleur de l'après-midi. Et puis la qualité de l'air, c'est impeccable. Les indices compris partout entre 2 et 4. Point sur l'actu. Le point sur l'actu, c'est reparti avec le sport. Mais d'abord, tout le reste, on va tout savoir. Ouais, et la police visée et par. La police. Eh oui, la police visée par des tirs hier soir à Nice. Les forces de l'ordre ont répliqué. Un homme a été interpellé sans que personne ne soit blessé. L'individu était fortement alcoolisé. Des policiers supplémentaires dans l'Essonne après l'attaque du week-end dernier à Viry-Châtillon. Annonce faite par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. 100 gardiens de la paix seront affectés dans le département. Ce n'est pas assez pour les syndicats qui demandaient l'arrivée de 300 fonctionnaires. On ne connaîtra probablement pas le fin mot de l'histoire. Le Syrien, soupçonné d'avoir préparé un attentat contre un aéroport allemand, s'est suicidé. L'individu âgé de 22 ans s'est pendu dans l'hôpital de la prison où il était détenu. Ce sont 3 autres réfugiés qui l'ont livré aux autorités dès qu'ils ont su qu'il était recherché dans le cadre d'une enquête pour terrorisme. Donald Trump qui a peut-être définitivement perdu la guerre pour la Maison Blanche. Nouvelle polémique pour le candidat républicain. Des femmes l'accusent d'attouchement sexuel dans la presse américaine. Elles disent avoir été indignées par ses mensonges lors du dernier débat contre Hillary Clinton. Les faits se seraient produits dans les années 80 et en 2003. Trump est complètement lâché par les républicains là qui semblent prêts à perdre l'élection et donc à repartir pour 4 ans avec les démocrates. Le principal intéressé réplique et dénonce un assassinat politique. Le petit carnet rose quand même dans ce monde de brut. Janet Jackson confirme au monde entier qu'elle attend son premier enfant. Elle a publié une photo de son ventre tout rond qui ne laisse donc plus de place au doute. La chanteuse et sœur du roi de la pop a tout juste 50 ans. Et le point sur le sport maintenant, le foot. Ouais, Lyonnais qui assure du foot féminin donc avec l'OL qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les tenantes du titre ont été plus fortes que leur adversaire norvégienne. Score final 5-0. Ce soir ce sont les Parisiennes qui tenteront de réaliser la même prouesse. Et puis, quels sont les stades qui gagnent ou qui perdent du public? On va faire le point tout à l'heure dans les infos de 7h30. Je peux déjà vous dire que du côté de Guingamp, c'est quand même un petit peu la douche froide. Monaco aussi. Et puis alors Bastia et Marseille, c'est carrément le pompon. Mais vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, on en reparlera. Oui. Et puis Lyon, avec la 4e journée de la première division, Créteil a dominé Chambéry 31-29. Montpellier a eu raison d'Aix-en-Provence 31-22. Match nul 30 partout entre Toulouse et Saran et entre Nantes et Ivry. Victoire pour Cesson, Rennes et Nîmes. À suivre ce soir, Dunkerque-Paris à 20h45. Merci Rémi. Et tout à l'heure, donc les stades à 7h30, les 7h04 sur Skyrock. Pour bouger, à chacun son moyen de transport. Difool est en Ferrari. Romano est à cheval. Enfin, plutôt un poney. Carriole est dans les transports. Et Cédric, il se déplace en camion poubelle. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Oui, et le camion poubelle n'est pas arrivé, mais Cédric sera de retour lundi dans la radio libre dès 21h. Ça y est. Oui, notre ami accidenté, on parlait de voiture tout à l'heure et de mauvais conducteurs. Eh ben Cédric, il fait monter la moyenne à Paris. Hein. Ah, c'est clair. Oui, on le salue d'ailleurs, Cédric, de retour lundi soir dans la radio libre. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, à 7h04, c'est l'heure de vous offrir de l'argent, 1500 euros à gagner. On vous offrira plein de cadeaux ce matin. Tout à l'heure, à 7h20, on jouera à Info ou Mytho et on parlera d'une bonne méthode pour passer la nuit avec sa maîtresse quand on veut faire cocus à sa chérie. Ah, ah. C'est oui, eh bien oui, exactement. On tient à vous rendre service dès le réveil le matin sur Skyrock. Info Mytho, iPhone 7 a gagné, on jouera tout à l'heure à 7h20. Un invité mystère à découvrir un petit peu plus tard, ce sera vers 8h20. Et puis entre les deux, vous aurez droit à vos conseils pas chers. Romano, les conseils pas chers, tu peux nous en parler dès maintenant. Ouais, on va parler de la vaisselle. On va parler de la vaisselle. Qu'est-ce que c'est chiant, la vaisselle à faire? Et qu'est-ce que c'est cher aussi? Ouais, puis quand on casse, moi, ça me met à bout de nerfs. Eh ouais. Ouais. En tout cas, pour ne pas faire la vaisselle, une bonne méthode, quand on vous demande de la faire, vous cassez au moins un truc à chaque fois. Vous allez voir, on va vous demander d'arrêter de faire la vaisselle. Mais avec les mains pourries que t'as, dit Foul, je pensais. Mais tu dois en casser continuellement. Ah, tu serais ma meuf. Non, mais j'ai cassé 2-3 verres cette année, oui. Et t'en restes combien? Depuis la rentrée, oh, j'en ai plein. Ah. Mais ils sont dépareillés ou pas? Ah, bah oui. Ah ouais, mais ça, non, moi. Non, mais toi, t'es un malade. Non, mais ça, psychologiquement, je peux pas. Bon, il faudra attendre 7h40 hein, pour connaître les problèmes psychologiques de Romano et ses conseils pas chers tout à l'heure. Vous en savez un petit peu plus maintenant. Et sinon, il faut pas attendre pour les 1500 euros. C'est tout de suite, c'est pour vous, 1500 euros à gagner. Juste en répondant, Skyrock, c'est facile, c'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh, oui. Putain, c'est trop bon. Maintenant. Et on embrasse Rosario qui a gagné hier à Châtenay-Malabry à 6h30. Julien qui a gagné à Firminy, c'était à quoi, 8h, 8h30, je me rappelle plus, 8h je crois. Bravo Julien, bravo Rosario, et bonne chance à vous maintenant, l'enveloppe est ouverte, vous allez tout savoir, où va-t-on aller ce matin sur Sky? On va aller faire un tour dans le 87. Le 87, c'est le Limousin, c'est Limoges. Ouais, bah Limoges précisément, et c'est Marianne Salas. Salas, comme des blagues qu'on fait le matin. Ils disent ça les gens, oui, vous ouais, des blagues c'est salas. Allez, une bonne salas ce matin, Marianne. C'est Marianne Salas, de Limoges. Allez, Marianne et 1500 euros à gagner. Allez, la limougeotte. Il faut faut répondre avant la cinquième sonnerie. Faut se dépêcher chez les Salas. Je crois que c'était la quatrième là, la toute dernière. Aïe aïe aïe. Ah, il n'y aura pas Skyrock sur le répondeur. Eh non, ça c'est le répondeur officiel de je sais pas qui, Orange. Hein. SFR. Ah, bravo Karim, spécialiste des répondeurs. On a des spécialistes en tout dans le morning. Ah, chacun soit de bête. Ah ouais, 1 500 € pour gagner, c'est simple. Vous faites comme notre Stéphanois, Julien, il a gagné hier matin. Oh putain, des foules. Oh putain, Julien. Oh nom de Dieu, c'est ça qu'on dit à Saint-Etienne. On est à côté de Saint-Etienne, on est à Firmini, on est chez toi, Julien. Et quelle est ta radio préférée? Skyrock. Et tu viens de gagner 1 500 €. Bravo. Ouais. Bravo. 1 500 € pour toi. Merci Sky. Et oui, c'est comme ça que ça marche. 1 500 € qui tombent quand vous répondez et Skyrock. Et à 7h30, prochain rendez-vous. Faites comme Julien, répondez Skyrock, c'est dans la poche. Ouais. Bon, 1 500 €, 24 carats maintenant. C'est le son de Bruno Mars que vous entendez derrière moi, là, le tout nouveau. Ah ouais, 24 carats. Ouais, 24K Magic, Bruno Mars, le nouveau dans le morning sur Sky, avant le réveil de Star qui arrive. Hein. Magic sur Skyrock, le son de Bruno Mars, le tout nouveau designer et panda, c'est dans un instant. Et à 7h11, on vous souhaite une belle journée. On vous réveille avec une grosse star ce matin, grande star du journalisme, c'est Bernard de la Villardière. M6, enquête exclusive. Oui. Et j'allais dire, il fait quoi d'autre, mais... Si, il a une nouvelle émission, Tabou. Ah oui, Tabou. Le truc dans lequel il était allé en banlieue, c'était pas très bien passé d'ailleurs. Ouais, il y avait une petite altercation. Oui, quand les journalistes passent de l'autre côté du périph', il y a souvent des problèmes. Bernard de de la Villardière qu'on va retrouver tout de suite. Tu as souvent des problèmes, Bernard. Oui, ça m'arrive. Tu as une voix sexy, tu sais. Moi, les femmes me disent que, au fur et à mesure, j'ai une voix de plus en plus sensuelle, ce qui rattrape évidemment le physique qui s'égare et qui. Ah bah, il est assez réaliste, on peut le dire. C'est quand même le journaliste qui a vu le plus de putes au monde. Hein. C'est vrai, c'est Bernard de la Villardière d'M6. Ok, il livre. C'est ça que tu prononces le nom de l'émission. C'est parti, on y va. Voici le réveil de stars. Les stars réveillent la France. Moi qui ai fait le tour des putes de la planète. Elles sont toutes belles à l'intérieur. C'est le réveil de stars sur Skyrock. C'est un pervers Bernard, dis donc. Hein. Ah, je suis un chaud. Hein. Il est chaud. Hein. Bonjour. Bonjour Bernard. Salut Bernard. Comment ça va? Ça va bien. Ah, il faut parler comme ça. Ça va bien. Ah, quand t'es journaliste à M6, c'est comme ça. Hein. Bernard de la Villardière réveille la famille de Bertrand. Allez, un nouveau Bertrand ce matin. C'est parti. Vas-y Bernard, réveille-nous tout ça. On file dans le 59 là. Attention, un ordi qui arrive. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien. Ah bah super. Si on est là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Oui. Est-ce que vous êtes plutôt soutien-gorge ou porte-nibar? Cochon. Oh, porte-nibar. Vous avez un charme incroyable. Ah ouais, t'as vu ça? Je suis parti me branler ailleurs. Oh non. Ah ouais, bah écoute, chacun son truc. Hein. Après, voilà, on est à deux, on se fait plaisir comme on peut, quoi. Y a pas de soucis, t'inquiète pas pour nous. Oui, j'essaye de pas pratiquer cet exercice en solitaire et de le faire partager à beaucoup d'autres. Tu veux? Tu peux venir? Ah oui? Ouais, y a pas de soucis, tu sais où on habite? Oui, bien sûr. Ah bah super. Pour les 15 ans d'M6, je me suis dévêtu à moitié. Ah. Après, M6, je sais pas comment ils font leur casting. Hein. Et pourquoi? Bah quand tu pour avoir toi comme salarié. Dimanche, je pars au Japon pour faire l'amour au Japon. Ah, c'est bien. Mais en fait, j'ai pas que ça à faire parce que là, tu vois, Bertrand va partir au travail. J'ai fumé parfois du cannabis. C'est bien. Mon esprit a quitté mon corps et pendant deux jours, je me suis battu pour réintégrer mon corps. Et... Défonce des là. Ah. Est-ce que tu sais où t'appelles là au moins? Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais là, t'appelles dans une caserne de gendarmerie, je t'explique. Encore? Ah merde. Donc là, maintenant, on a ton numéro. Tant pis pour toi. On va lancer quelque chose. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est qui? Journaliste AM6. Pourquoi tu appelles? Toutes les putes sont des misses, je vais te dire. Ouais. Bah écoute, hey, tu vas juste te calmer, tu vas aller te faire foutre et tu vas arrêter de me casser les couilles maintenant. Moi qui ai fait le tour des putes de la planète. Ah ça. T'as fait le tour des putes. Elles sont toutes belles à l'intérieur. Ouais Bernard. Bernard de la Villardière sur Skyrock. Excusez-moi, je me suis trompé de musique. Oui, je me demandais ce que c'était, ouais. On parlait de putes, je me suis trompé, excusez-moi. Il y a tout eu, hein. Il y a eu les flics, les putes, la drogue, tout ce qu'on trouve dans Enquête Exclusive le soir. Ah ouais, M6. Bernard, il a dû kiffer, là. Ouais, Bernard, c'était super. Bravo pour le réveil de star. Et bravo à la famille aussi, c'était super. Ah ouais. Ah ouais. Bertrand. La dame avec son porte-nibar. C'était la femme à Bertrand. Ouais. Avec son porte-nibar. Magnifique. Ouais, on va pas vous offrir un porte-nibar ce matin. Ah, dommage. Ah, c'est dommage. Un iPhone, ça vous va? Ouais, oui. Très bien, ouais. Allez, le dernier à gagner dans un instant, c'est sur Skyrock. C'est dans Info Mytho. On va jouer avec une maîtresse, un amant. Une petite histoire que j'ai à vous raconter. Je vous raconte ça dans un instant. C'est la question de sélection pour gagner l'iPhone 7 qui arrive juste après le son de Designer. Pra, pra, pra. Ça va dabber là. Allez, on dab et on écoute Panda maintenant sur Sky à 7h15. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet you banned, over killers on the stand. I got broads in Atlanta, just to lean in the van. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, way and see, family. Packers full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet you banned, over killers on the stand. Hey! Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.

signé le corbeau. Voilà. Donc c'était vrai cette histoire. Très bien. Une info, t'es donc qualifié Tony. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Carriole d'un côté, Romano de l'autre. Attention, attention. Info ou mytho, qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le mytho. Vous pouvez vous entraîner chez vous, hein. Je sais qu'il y en a qui jouent tous les matins là. Peut-être que ça joue en train de déjeuner avec toute la famille. Avec vos bols. Vous vous engueulez peut-être. Non, moi j'ai dit info. Moi j'ai dit mytho. Bon, alors moi et c'est. Moi j'ai dit info. Oui, bah, du calme la famille. Et moi j'ai dit mytho. Oui, non, on va passer aux choses sérieuses. Oui. Kim Kardashian et Kanye West. Kim Kardashian. Chant. Et Kanye West. C'est ça. Alors, bon, après l'histoire du cambriolage, tout ça à Paris là. Oui. Nouvelle histoire. Kanye West va partir en tournée. Kim Kardashian est très très jalouse. Donc elle a décidé de lui acheter une poupée gonflable à Kanye West à son effigie. En fait, elle a fait faire une poupée gonflable, une copie conforme d'elle, pour qu'il ne se sente pas seul et qu'il ne l'oublie pas pendant sa grande tournée américaine. Oh, comme elle est intelligente. Quelle belle idée qu'elle a eue, Kanye. Oui, quoi, tu vas me dire, lui, il est bien con aussi de l'accepter, hein. Oui. Info ou mytho? Alors, info ou mytho, c'est pas est-ce sûr que c'est ce vrai, soit vrai. Est-ce que c'est faux? On va voir. Écoute d'abord l'info de Carriole, Tony. Moi, ça se passe en Chine. C'est un patron d'une société qui impose à toutes ses employées le matin quand elles arrivent de lui faire un bisou sur la bouche. Absolument, oui. Entre 9h et 9h30, elles défilent toutes. Et elles font un bisou sur la bouche au patron. Entêté, mon dos, absolument. Il est sympa, le patron. C'est Patrick Chapelet. Un peu pervers, ouais. Imaginez votre patron, vous arrivez le matin, vous êtes obligé de lui rouler une pelle. Ah, moi, ça serait un plaisir de le faire à notre PDG Pierre Bélanger. Quel suceur, ce Romano. Alors, Tony, qui dit vrai, qui dit faux? Carriole et son chinois ou Romano et Kim Kardashian? Moi je veux dire Carriole Info et puis Romano Mytho. Carriole Info, Romano Mytho. Ben moi je ne saurais pas su quoi dire. Romano, tu vas nous dire. Eh bien, tu as gagné ton iPhone 7 Pro. Donc le chinois impose à ses employés une petite pelle le matin. Ouais, c'est vrai. Imaginez-vous, je sais pas votre prof ce matin. Allez, bonjour les élèves. Allez, on vient faire son petit bisou. Allez. Et toi Romano, donc c'est pas vrai la poupée gonflable de Kim? Non, mais une idée cadeau pour Halloween, il y a une société qui a créé la Kim Kardashian cambriolée. En fait, c'est une poupée, longue perruque noire, peignoir blanc court et sexy, faux baillon, corde et même anneau à 4 millions de dollars. Bon, en fait, c'est un anneau en plastoc, hein, forcément. Et ça vaut 63 € et ils sortent ça pour Halloween. C'est la Kim Kardashian cambriolée. On va vous mettre la photo de la poupée. C'est comme une poupée gonflable, sauf qu'elle est ligotée. Oh, magnifique. Avec un baillon dans la bouche. Parfait. Eh ben, Tony, tu t'es pas trompé. Bien joué. T'as gagné. Super, merci, vous êtes top. Eh ben, toi, t'étais bien aussi. iPhone 7 pour toi ce matin. Nickel, merci. Eh oui, t'es pas venu pour rien, toi, dis donc. Ouais, un iPhone nickel. 7 est gagné. Un prochain tout à l'heure. On jouera à l'invité mystère à 8h20. Ouais. Restez bien dans le coin sur Sky dans 5 minutes, même pas. On vous offre 1500 €. Et Tony, on te souhaite une bonne journée. Il fait quel temps dans le 44? Ouais, il fait froid. Ah bah ouais, un peu comme partout. La météo dans un instant. On va se réchauffer avec du gros son. Vas-y, danse un peu, Tony. Ah ouais, vas-y, bouge ton corps. Ouais, bouge ton corps, vas-y, bouge. Ah ouais, vas-y. Pitbull et Florida, c'est tout de suite, c'est sur Sky, c'est Green Light. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Dream, I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Cause I'm ready to go. Skyrock, c'était Greenlight à 7h31. Bonne journée, merci de vous réveiller avec Sky tous les matins. Bon, tout va bien ce matin, on a offert plein de cadeaux. On n'a pas encore offert 1 500 euros, dites-moi. Voilà. Non, mais c'est peut-être pour juste après les infos là. Bah oui, ça arrive tout de suite, 1500 euros à gagner. Mais oui, préparez-vous, branchez les téléphones. Et puis répondez Skyrock dès qu'on vous appelle. La seule radio au filet, 1500 euros. Dès le réveil tous les matins, c'est Sky. Le winner ou le loser du jour à découvrir juste avant 8h, c'est tous les matins. On met à l'honneur une personnalité ou... Oui, quelqu'un de connu, oui. En général, ou même des anonymes, ça peut arriver. On peut, oui. Qui sera winner, qui sera loser, on découvrira ça. L'horoscope arrive aussi. Et les conseils pas chers de Romano qui sont de retour en ce morning. Oui. Aujourd'hui, on va parler vaisselle. Bon, c'est bien parce que tout le monde utilise ça. Hein. Ça peut concerner tout le monde. Ouais, c'est ça. Problème avec la vaisselle. Ou alors, vous mangez directement sur la table, peut-être. Cédric fait ça, oui. Oui. Cédric le Belge. Ah, il mange sur la table, directement. Bah, une fois, j'avais été chez lui, il y avait du couscous sur la table. Donc, je me suis dit, mange jamais la table en verre. Je sais pas, il avait mis toute la semoule sur la table. Je lui dis, c'est étonnant. Mais bon, on en reparle tout de suite après les infos. Alors, c'est parti, les infos, Rémi. Le poids sur l'actu. On va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Il y a des alertes météo pour le sud de la France. Mais tu nous dis tout de suite à 7h32 sur Sky. Il y en a trois pour être précis. Pluie et inondation pour l'Hérault et l'Aude, où un déluge est attendu dans la journée, puis même demain. Vent violent en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, avec des rafales qui vont atteindre les 100 km/h. Alors, pour info, les établissements scolaires de l'Hérault sont fermés aujourd'hui. Vous pouvez rester à la maison. Et puis, aucun bus ne circule dans l'Aude. De manière générale, c'est la pluie qui va s'inviter partout en France aujourd'hui. Seule la Bretagne et l'Alsace-Champagne-Ardenne seront épargnées. Les températures ce matin de 1 à 15 degrés, 6 en région parisienne, entre 10 et 24 au meilleur de l'après-midi. Et puis la qualité de l'air qui reste impeccable. Les indices compris partout entre 2 et 4. C'est vague entre 10 et 24. Hein. C'est quoi? C'est vague. Ah oui, c'est vague. Non, parce que bon, entre 10 et 24 degrés cet après-midi, bon, alors je mets quoi? Eh ben écoutez, je vais mettre des claquettes, mais avec une doudoune. En gros, c'est peut-être des chaussettes. En gros, c'est de 10 à 17 sur le nord et le centre, et de 10 à 24 dans le sud. Eh bien, bah, vous êtes mieux noté dans le sud. Avec 24 sur Perpignan, je crois. Voilà. Vous avez bien de la chance. Bah oui. Moi, il fait pas super beau non plus. Hein. Mais 24, bon, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. On se console comme on peut, comme on mais dit. Mais pour la première fois, on est en dessous de 10 par endroit en plein après-midi. Bon, bah, bon courage. La météo, c'est fait. On passe aux infos et au sport aussi, juste derrière. On va faire le tour des stades, mais vous allez voir comment il va nous expliquer, Rémi. Ouais, une soirée importante pour les candidats à la primaire de la droite et du centre. Ils seront 7 à tenter de faire passer leurs idées ce soir sur TF1. Alors, tout le monde s'attend à un duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Le maire de Bordeaux est largement en tête des sondages. Il a reçu le soutien hier de l'UDI par la voix de son président Jean-Christophe Lagarde et de 600 élus. Tous les prétendants à l'investiture pour la présidentielle auront entre 15 et 17 minutes pour s'exprimer. Un démantèlement loin d'être simple et sans remous. François Hollande a promis que la jungle de Calais serait évacuée d'ici la fin de l'année. Eh bien, plusieurs associations portent l'affaire devant la justice. Elles estiment que l'évacuation est une atteinte aux droits fondamentaux des exilés. Le tribunal administratif de Lille a 48 heures pour statuer. Le dialogue pour tenter de sortir de la crise syrienne. Les chefs de la diplomatie russe et américaine doivent se réunir dans quelques heures. Les deux pays ne se sont pas parlé depuis plusieurs semaines. Vladimir Poutine a accordé une interview hier soir au journal de 20h sur TF1. Le chef du Kremlin n'a pas chargé François Hollande. Il estime par contre que les puissances occidentales sont responsables de la montée du terrorisme en Syrie. Un petit tour et puis s'en vont. Les ultras du PSG ne seront peut-être pas de retour au stade de Cîteaux. Une réunion était organisée hier entre les supporters, la préfecture et la direction du club. Alors, on ne sait pas ce qui s'est dit vraiment, mais les ultras ne semblent pas satisfaits. Ils ont fait un communiqué en affirmant qu'aucun d'entre eux ne sera en tribune tant que leur retour ne sera pas pris au sérieux. Bon, les supporters de foot à l'honneur, on va faire un point sur l'affluence des stades, de moins en moins de monde dans les stades français. Oui, un championnat parfois inintéressant, des billets relativement chers et puis aussi des infrastructures qui laissent à désirer par endroit. La fréquentation des stades est en baisse et a même perdu 4,9% par rapport à la même période l'an dernier. Alors certains s'en sortent très bien, mais alors d'autres perdent énormément comme Marseille. Les Phocéens ont perdu 43,3% de leur affluence, soit à peu près la moitié du Vélodrome. Hein, voilà. Moins 30% pour Montpellier, moins 17% pour Monaco, moins 15% pour Lille, et puis seulement moins 4% pour le Parc des Princes. Alors à contrario, ça va plutôt bien pour Toulouse qui double sa fréquentation, et puis plus 27 et 26 pour Metz et Nancy. Malgré tout, il faut relativiser ces résultats encore à la baisse, car dans les comptes, les clubs ajoutent les abonnés qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Par exemple, 42 000 spectateurs ont été annoncés pour le match Paris-Dijon le mois dernier, alors qu'il y avait à peine 29 000 spectateurs au Parc des Princes. Très bien. Donc, faut faire attention aux chiffres. Comme partout. Moins 16%, 16,9 pour la SS. Les Stéphanois, faut retourner au stade. Les Marseillais aussi, faut retourner au stade. Ouais, mais trop cher. Bah oui, trop cher. Bon, bah merci Rémi. Yep. Trop cher, sauf si on gagne 1 500 euros. Ah bah là, parce que là, tu prends un abonnement. Là, c'est mieux, ouais. Bon, bah, c'est parti, justement. Allez, 1500 euros à gagner. C'est pour vous, c'est sur Sky. En direct de l'appart. The Morning Show. C'est le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Ouais, 1500 euros, j'ai l'enveloppe qui est là. Romano, ouais. Il se prépare pour ses conseils pas chers. Le retour des conseils pas chers ce matin. Ouais, préparez-moi des familles, je vais aller les carotter. Oui, comment récupérer de la vaisselle gratuite pas chère? Ouais, c'est ça, parce que la vaisselle, ça coûte cher. Et oui, c'est que les Français, ils cassent plein de trucs. Est-ce que vous cassez, vous aussi, vos assiettes, vos verres? Moi, je vous ai dit, depuis le début de l'année, je cassais 3 verres. Ça m'énerve. Non, moi, je fais attention à tout. Bah, t'as intérêt. Parce qu'autrement, Romano, il lui saute dessus. Sinon, il y a fessé, sinon, il faut repayer. Il faut payer. Qui casse? Paye. Eh oui, c'est. Non, il y a un moment donné, c'est, ma mère, c'était sa spécialité. Elle venait chez nous à Paris. À chaque fois qu'elle venait, elle pétait un truc. Ça rendait dingue. C'est vrai. Tout le temps. Maintenant, elle a interdiction d'entrer dans la cuisine. C'est vrai. C'est interdit. Il y a une zone de sécurité. Bon, dites-nous si vous avez pété de la vaisselle dernièrement et écoutez bien les conseils pas chers. Comment gagner des sous grâce à la vaisselle? Ouais. Tu t'en occupes? Pas de problème. Bon, moi je m'occupe de vos 1500 euros, c'est l'heure, 7h37. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et j'espère que ça va être trop bon là sur ce coup. 1500 euros qui nous amène à Besançon. Les 1500 euros à Besançon, c'est pour la famille Écarnot. On a tiré Quentin Écarnot, c'est lui qu'on appelle et c'est chez lui que ça sonne maintenant. Il faut répondre Skyrock. Et dans ce cas-là, c'est gagné. C'est facile, vous connaissez le principe. Hein. On vous parle radio, téléphone, Skyrock et hop, 1500 euros pour vous. Allez les Carnot. Allez les Écarnot. Écarnot, pardon. Quentin Écarnot, attention, faut répondre avant la cinquième sonnerie, mon Quentin. Besançon, hein. Le doux Besançon, demandé. Faites du bruit. Le doux est demandé. Skyrock, Skyrock. Oula, tu nous as fait peur, ouais, c'est gagné, Quentin. Ouais. Et on a cru que t'allais jamais répondre, Quentin. Super. Ouais, bravo. Putain, j'entendais que ça sonnait. Ça sonnait même pas sur mon téléphone. Ah bah ah oui, ça sonnait bien, dis donc. Ah ouais, on a eu peur, très peur. Très peur. Oh. Tu viens de gagner. Je vous kiffe, les gars. Eh bah, je vous kiffe, vous gérez. Bon, toi aussi, t'as bien géré, Quentin. Eh ouais. T'as fait monter le suspense jusqu'au bout. Ah, franchement, vous gérez, gérez. Et t'as décroché, mais in extremis, hein. Ah ouais. Ah. Ça s'est joué à un poil de cul. Comme on dit, en Bourgogne. Je transporte des petits, c'est les petits, ils sont à Besançon. Ah, ils étaient dans le bus. Ouais, ouais. Très bien. Donc tu es chauffeur de bus. Chauffeur PMR, en gros, je m'occupe de tout ce qui est personne à mobilité réduite. Eh ben, on salue tout le monde. Bonjour le bus. Salut le bus. Salut. Salut à vous. Ah, salut l'équipe. Franchement, vous gérez, j'y crois pas. Ça fait quoi? Une semaine, j'envoie des messages tous les matins à 6h. J'espère qu'on m'appelle. Ah, toi aussi, tu t'es inscrit. C'est bien. Encore, t'as de la chance, c'est arrivé vite, hein. Ouais. Vous vous inscrivez au 7-20-20. Vous envoyez 1500 au 7-20-20. Tiens, tu vois, ça marche, hein. Ah ouais, la preuve. Oh, franchement, vous gérez, je vous kiffe. Vous avez pas comme vous me dépannez là en plus en ce moment, franchement, c'est... Eh ben, ça nous fait plaisir à nous aussi. Un chèque de 1500 euros. Ça fait moins plaisir au comptable de Skyrock, le pauvre. Ouais, c'est clair. Mais pour nous, c'est cool. 1500 euros, le chèque, il est là. Et on te l'envoie très vite à la maison, Quentin. Ça marche. Oh, je peux juste dire un petit mot. Oh, vas-y. Je veux juste embrasser mon pote Azim qui va se marier le 16 décembre à Paris. Oh, bisous Azim. Et je fais une petite dédicace à Diclan, mon petit pote qui est à côté de moi là. Eh ben, on salue Diclan, on salue Azim et on t'envoie surtout ton chèque de 1500 euros. Tu vas faire quoi avec, Quentin? Franchement? Oui. Ah, je vais rembourser un peu le compte et je vais mettre de côté. Je vais mettre de côté surtout pour les vacances. J'avais senti que t'avais fait des trous, toi. Hein. Ouais. T'as fait des trous dans ton compte. On va boucher du trou. Allez, on bouge des trous ce matin. Et on recommence ces 1500 euros dans une demi-heure et encore dans une heure. Encore des rendez-vous. Bah, c'est toutes les demi-heures. Hein. Encore merci tout le monde. Et bah, merci à toi, Quentin. Bravo à toi. 1500 euros, c'est gagné. Allez, bonne journée. Et oui, bonne journée. Bonne journée, oui. Ouais, c'est comme ça. À 7h40, on fait bonne journée. Et dans un instant, on fait les conseils pas chers. Ouais, c'est parti. Allez, on se prépare. Le son, c'est Jules et Ghetto Phénomène. Tout à l'heure, Jules a gagné. Ce sera dans la roulette. Yes. Ouais, on fera gagner vos places de concert pour aller voir Jules. La tournée de Jules. Oui, Jules. C'est pas les données. La maman maille, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. On connaît. C'est pas les données. La maman maille, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. pouce, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Fais pas l'étonner, oh, de la maman maille, ouais, il m'en fout, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Fais pas l'étonner, oh, de la maman maille, ouais, il m'en fout, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle au pari. Ses potes du Ghetto Phénomène. Le Ghetto Phénomène, c'est le groupe qu'on vient d'écouter. Jul en featuring. Et Jul a gagné dans la roulette tout à l'heure. On vous offrira vos places, les tournées Skyrock. Il y en a plein. Bah, celle-ci, on vous l'offre aussi, hein. Ouais. Et puis, n'oubliez pas, en parlant de tournée Skyrock, Soprano, ce soir, à 20h dans Planète Rap, le nouvel album à découvrir. Il était avec nous hier soir dans la Radio Libre, Soprano. Oui, parce qu'il nous fait un coucou. Oui, coucou, Sopra. On l'écoutera tout à l'heure, tiens, Soprano. Coucou, les Boys and Girls. Salut, les Boys and Girls. Non, c'est pas coucou, les Boys and Girls. C'est Kikou. C'est Kikou, ouais. C'est Kikou, les Boys and Girls. Kikou, les Boys and Girls. Kikou, Maïté de Normand. Bah oui, Kikou. Bon, on va faire les conseils pas chers, nous. Eh bien, Kikou, les conseils pas chers. Kikou, les Boys and Girls. La vaisselle cassée. Oui. Oh. C'est cassé. Ça t'énerve ce bruit? Ah ouais. Ah ouais, c'est horrible. C'est marrant comme tu es fait nerveusement, Romano. Ouais, quand un truc se casse comme ça, il a l'impression que c'est son argent qui part. Ah ben, mais c'est l'argent son argent qui part. Bon, c'est les conseils pas chers. L'idole de Romano, c'est Picsou. Les conseils pas chers sur Skyrock. C'est marrant, t'as plein d'idoles. Rihanna, Cristiano Ronaldo, tous les riches. Ouais, Messi, c'est ça. Picsou. Tous ceux qui ont de l'oseille. Bon, alors. Bon, alors ce matin, comment récupérer de la vaisselle pas chère? Tiens, un petit chiffre en passant. Oui. Les Français cassent en moyenne 5 à 7 par an. 4 verres, 1 bol et 2 tasses. Ah bah oui, moi j'en suis à 3 verres depuis le début de l'année. Et j'ai pas cassé d'assiette. Et j'ai pas cassé de bol. Et bon, j'ai pas cassé de tasse. Je suis bien. Ouais, fais gaffe, ça va. 3 verres, t'arrives limite au quota, hein. Oui, oui. J'ai encore un verre à casser d'ici la fin de l'année. Une seule chance. Bon, c'est vrai qu'on a tous cassé des trucs. Ah ouais, ça m'énerve, moi. Ça. Bah, moi, c'est quand j'essuie les verres, par exemple. À un moment, je sais pas. Bizarrement. Ça glisse. Bah, ça glisse. Bah, t'as les mains pourries, oui. Bah, non. Et ben voilà, c'est tombé. Eh ben voilà. J'essaie d'être adroit, et puis voilà. Eh ouais. Moi, j'utilise des verres en plastique, comme ça, j'ai pas ce problème. Ah bah, c'est pas con. Laetitia qui nous laisse le message. Après, ça coûte cher, les verres en plastique. Bon, bah, final, ouais. Puis c'est pas écolo. Et puis c'est pas écolo. Bravo, ça c'est bien. Bravo. Prends plutôt tes mains comme ça et tu bois dans tes mains. Oui, comme les hommes préhistoriques. Hein, nos ancêtres, comme les hommes ça, préhistoriques. Une petite lapée, quoi. Ils buvaient comme ça. Bon, ce matin, je vais aller chez les familles. Comment gratter de la vaisselle pas chère? Je vais leur dire que je viens d'aménager, que je suis en manque de vaisselle. Je vais demander s'ils peuvent pas me dépanner de 2-3 trucs, quoi. Je vais avoir un beau service, ça va tout être dépareillé. Oui. Pas grave. Ça te dérange quand c'est dépareillé? Ouais, aussi pareil. Ah, allô, Bernard. Ouais, bonjour, c'est Bernard. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va, c'est qui là? C'est monsieur Lapin, à l'appareil, je suis votre nouveau voisin là, je viens d'aménager pas loin de chez vous là. Oui. Oui, et dites voir, il y a un petit problème, j'ai pas de vaisselle. Est-ce que vous pourriez me dépanner d'une ou deux assiettes et un ou deux verres? Oh bah oui. Ah bah, écoutez, je peux passer comme ça, du coup on fera connaissance vu qu'on est quelque part nouveau voisin. OK. Je peux passer dans 5-10 minutes? Ça marche. Bon, je viens chercher deux verres et deux assiettes. Ça marche, c'est tout de suite. Merci, je vous les ramènerai pas. Hein. Merci. Merci, à tout à l'heure. C'est gentil, putain, ça a marché. Ah ouais, bravo. Bravo, Romano, non, mais c'est bien l'idée des voisins, bravo, très bonne idée. Allez, chez Antoine. Je te fais. Qu'est-ce que vous voulez? Demandez, faites des passés commandes. Découvert. Passe-moi un papier, un crayon, je vais lui faire un diplôme de super radin ce matin. Et Carriol, elle répond découvert. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Antoine. C'est Antoine? Oui, c'est ça, oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis votre nouveau voisin, monsieur Lapince, au bout de la rue. J'ai emménagé il y a quelques jours, là. Où ça, alors? Là, au bout de la rue, là. La, mais, la, volée, la maison volée blanc. Vous voyez à peu près? Non. Non. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai un petit problème, j'ai pas de vaisselle. Est-ce que vous pourriez me dépanner 2-3 assiettes, 2-3 verres et quelques couverts? Je vous les ramènerai, un de ces quatre. Hein. Antoine? Pour boire, manger. Vous pouvez me dépanner un peu de vaisselle? T'as, toi, t'es un mauvais voisin, Antoine. Ouais. Ou alors, tiens, passe-moi ta femme, c'était elle qui gère. Sans misogynie aucune. Non, mais vraiment, sans aucune misogynie. Bien sûr. La femme s'occupe des verres, des couverts et des assiettes. Non, mais tiens, j'aurais demandé à tournevis, j'aurais pu te demander à lui. Allô, ouais. Allô, oui. Ah, oui. Bonjour, c'est la femme d'Antoine? Non, Jean-Claude. C'est la femme de Jean-Claude? Oui, oui. Oui, bah, comment elle va ce matin? Oui, ça va, pourquoi? C'est le nouveau voisin, là, au bout de la rue, monsieur Lapince. J'appelais pour me présenter. Est-ce que vous pourriez me dépanner un peu de vaisselle, là? Parce que tout n'est pas arrivé avec le déménagement. Et je suis obligé de manger avec mes mains, là. Bah écoutez, c'est pas facile pour couper un steak. Non. J'ai les ongles longs, mais bon, ça va pas quand même. Oui, oui, oui, non, mais c'est une blague ou quoi? Ah bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vais venir chercher 2-3 assiettes. Si je suis avec ma femme, cette gourde a tout fait tomber. Ah bah, vous entendez encore, elle a tout fait tomber. Ah, bah c'est pourri. Mais c'est quelle maison? Je comprends pas. C'est la maison au bout de la rue, là. Mais côté BVG ou d'autre côté? Oui, côté BVG. C'est côté BCG là. Vous voilà. Savez, à côté de. On est sur Gergy. Sergi. Ah, pardon, Sergi. ouais. Bon, écoutez, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de chercher ma maison. Je vais arriver chez vous dans 5-10 minutes. D'accord. Bah, dépêchez-vous parce qu'on a un projet. Personnel, d'accord. On fait vite. J'arrive dans 5 minutes, ouvrez les placards, je me sers et je repars aussi sec. Bon, bah à tout de suite, la femme à Jean-Claude. Les Français sont gentils. Merci beaucoup, madame. Merci, la femme à Jean-Claude. La France vous remercie. La France, surtout Romano de Skyrock, vous remercie. Hein. Ah ouais, la France entière. Eh, vous avez vu, vous demander un truc et vous dites que vous êtes nouveau voisin, les gens, ça ils marche. Vous filent. Faites le test, hein. Voilà, comme ça. Pas cher. Oh là là, pas cher les assiettes. Oh là là, mais Difool, fais attention, merde. Désolé, mais j'arrive merde. Pas. Ça tombe. C'est ma pourrie, quoi. Ça tombe, ça glisse. Bon, on va voir si ça glisse dans l'horoscope de l'amour. Là, dans un instant, une minute précisément, l'horoscope arrive sur Sky. Et notre loser ou notre winner du jour à découvrir, ce sera avant 8h. Il est 7h49. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Salut Magali de Beauté Blog. Salut Sephora. Le smoky des défilés, ce n'est pas réservé qu'aux stars. Chez Sephora, ils font ça très bien. Une soirée imprévue, à l'aise le regard de braise. Au Make-up Bar, le smoky, c'est gratuit et sans rendez-vous. Des experts qui savent faire, ça change tout. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Hé, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Et l'horoscope sur Skyrock, l'horoscope de l'amour, juste avant d'écouter le son de The Weeknd avec les Daft Punk sur Sky, 7h50. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh bien la réponse est oui pour les lions et les gémeaux, 5 sur 5, c'est votre puissance amoureuse, elle est au top du top. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui vous kiffe en secret, en tout cas vous aurez un pouvoir de séduction au maximum. Et si vous êtes en couple, une excellente journée, notamment pour ceux qui se sont embrouillés il n'y a pas longtemps avec leur chéri, vous allez vous réconcilier, tout va bien se passer. Lions, gémeaux, 5 sur 5. 4 pour les taureaux et les taureaux et les balances. Ouais. Vous êtes aujourd'hui attirant et attirante parce que vous avez la tête sur les épaules et votre entourage, j'aime bien, c'est pas mal. 3 bon. Les capricornes, magnifique, et les mais vierges toi, en effet, oui. On prendra les bonnes initiatives en amour aujourd'hui. vous vous tromperez pas dans vos choix. C'est bien. Les béliers, les sagittaires, vous avez 2 sur 5. Ne jouez pas au jeu du chat et de la souris. Bon, ça risque de vous amuser vous, mais pas les autres. 1 sur 5, les Verseaux et les cancers. Humeur un peu capricieuse aujourd'hui en amour. Ne poussez pas le bouchon un peu trop loin, ça risque d'énerver votre entourage, vos amis, vos amours. Ouais. Et 0 sur 5, les scorpions et les poissons. Évitez de chercher à manipuler les autres, ça ne sert à rien. Restez sincères, c'est encore ce qui va le mieux vous réussir aujourd'hui, en ce jeudi. Et notre loser ou notre winner, il arrive sur Skyrock. Bah oui, il arrive. Juste après le son de The Weeknd. Parce qu'on a du gros son aussi pour se réveiller le matin. Ouais. The Weeknd et Starboy, c'est sur Sky à 7h51. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. Nigga try to test me, every day a nigga try to end me, pull off in that roadster SV, pockets overweight getting hefty, coming for the king, that's a far cry, I come alive in the fall time, the competition, I don't really listen, I'm in the blue moon, sun bumping new edition, house so empty, need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Les Daft Punk et The Weeknd sur Skyrock à 7h54. C'est l'heure de notre winner du jour aujourd'hui. Le top lose, top win, tous les jours un winner ou un loser qui est mis à l'honneur. Et on va parler de beaucoup, beaucoup d'argent. C'est toi qui as choisi le winner du jour, Romano. Ah ouais, un de mes idoles. Une de tes idoles. Une de mes idoles, pardon. Oui. Et je parle très bien français. Oui, Cédric, sors de ce corps. Ah oui, oh mon dieu, quelle horreur. Wallah, je suis dans Romano, je parle. Sors. Et il est sorti, allez. Le winner du jour. Le winner du jour. Le winner du jour est ce matin Cristiano Ronaldo. Eh oui, Cristiano Ronaldo, notre winner du jour. Alors pourquoi winner du jour? Question d'argent, il va encore gagner plus d'argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Cristiano Ronaldo est en train de renégocier son salaire avec le Real de Madrid. C'est ça. Eh bien, il gagnait déjà plein de sous. Ah bah oui. Ouais, bah il va en gagner encore plus. Ouais. Bravo Cristiano. Encore plus. Encore plus de sous. Son contrat actuel expire fin 2018. Et là, il va sans doute le prolonger jusqu'en 2021. Ouais, il va renouveler, ouais. Ouais, et il va percevoir beaucoup, beaucoup d'argent. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. 23 millions par saison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, 23 millions par saison. J'ai fait le calcul. C'est 1 900 000, un petit peu plus, par mois.

You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. 8h02, on est sur Skyrock et on vous offre 1 500 € dans un instant. Attention. 6h09, c'est le morning de Default sur Skyrock. Oui, c'est tombé il y a une demi-heure. J'espère que ça va pas s'arrêter. Bravo à Quentin qui a gagné dans son bus tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, ouais. À la 5e sonnerie, il a décroché. À Besançon, il nous a fait peur, Quentin. Mais il a gagné 1 500 €, il a répondu Skyrock. C'est pour vous dans un instant. Yes. Branchez bien les téléphones, répondez Skyrock. Et c'est comme ça qu'on gagne 1 500 €. Du gros son à écouter. Tiens, Rihanna qu'on va retrouver, la pauvre, elle est célibataire. Oh. Oui, terminée avec Drake. Ouais, non, mais elle s'est recasée, pareil. Hein. De toute façon, Rihanna, elle reste jamais seule très longtemps. C'est clair. Hein. Absolument. Rihanna qu'on va retrouver avec Rude Boy, peut-être une dédicace à Drake. Ouais, peut-être. Ou à Chris Brown, peut-être. Aussi. Ouais, le magnifique Chris Brown. J'adore ce Chris Brown, moi, il est super, lui. You got the worst gang in the world, oui. The police. And I said it. Fuck you. Fuck you, oui. Voilà. Il fait pas une phrase sans insulter les gens. Non, non. Merci, Chris. Fuck you. Bon, Rude Boy, on écoute. Rihanna, allez avant 8h15. Et puis dans un instant, Major Lazer qui arrive avec Justin Bieber. Il y aura du Soprano. Vaut 1 500 €, je vous l'ai dit. Puis un réveil de star. Grand réveil de star qui arrive à 8h10. Mais avant ça, les infos avec Rémi pour tout savoir. C'est parti. C'est à 8h03. Et on commence par la météo pour aujourd'hui. Oui, trois départements en alerte orange. Pluie et inondation pour l'Hérault et l'Aude où Météo France annonce un épisode majeur. Il va vraiment pleuvoir là sur les prochaines 48 heures. On attend 3 ou 4 mois de pluie en l'espace d'une journée. Donc imaginez. Wow. Vent violent en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône avec des rafales prévues à 100 km/h. Ça souffle fort. Les établissements scolaires de l'Hérault restent fermés. Aucun bus ne circule dans l'Aude. Et puis partout ailleurs, eh bien, c'est de la pluie. La pluie qui s'invite quasiment partout, sauf en Bretagne et en Alsace-Champagne-Ardenne où là, eh bien, le soleil est relativement présent. Les températures ce matin de 1 à 15 degrés 6 à Paris, entre 10 et 16 du nord jusqu'au bord de la Loire et entre 17 et 24 au meilleur de la journée dans le sud du pays. Et puis la pollution, ça reste impec. Les indices compris partout entre 2 et 4. Ah, le son de Rihanna, le grand classique de Rihanna, vous fait plaisir ce matin. Il y a Mist Authentique, Rihanna du Lourd et Porto qui veut passer un message à Rihanna. Dites-lui que je suis célibataire. Porto du 59, 26 ans, c'est dit. C'est pas de problème, dit full l'appel pendant les infos. Je lui dis tout. Allez, les infos justement, c'est parti. Et François Hollande s'attendait peut-être à faire du buzz, mais sûrement pas être... Je veux que t'allais pas démarrer. Mais non, mais je sais pas, moi, j'ai pas compris. Tu sais pas si quand il faut. Bah, les infos, parler, c'est parti. Je peux te le faire en américain si tu veux. Oui, je veux bien. Les news, let's go si tu veux. Oh yeah. Let's François Hollande s'attendait peut-être à faire le buzz, mais sûrement pas à être à l'origine d'une bombe médiatique. Réaction nombreuse suite à l'apparition aujourd'hui du livre Un président ne devrait pas dire ça. L'ouvrage est le résultat d'une 60aine d'entretiens entre 2 journalistes et le chef de l'État. Première conséquence, la justice qui s'indigne après des accusations de lâcheté. François Hollande a reçu hier soir les 2 plus hauts magistrats du pays pour rendre des comptes. Il demande que les propos soient infirmés ou démentis publiquement. On ne connaîtra probablement pas le fin mot de l'histoire. Le Syrien soupçonné d'avoir préparé un attentat contre un aéroport allemand s'est suicidé. L'individu âgé de 22 ans s'est pendu dans l'hôpital de la prison où il était détenu. Ce sont 3 autres réfugiés qui l'ont livré aux autorités dès qu'ils ont su qu'il était recherché dans le cadre d'une enquête terroriste. La police visée par des tirs hier soir à Nice. Les forces de l'ordre ont répliqué. Un homme a été interpellé mais personne n'a été blessé. L'individu l'individu était fortement alcoolisé. Donald Trump, qui a peut-être définitivement perdu la guerre là pour la Maison Blanche, nouvelle polémique pour le candidat républicain, des femmes l'accusent d'attouchement sexuel dans la presse américaine, pour être plus précis dans le New York Times. Elles disent avoir été indignées par ses mensonges lors du dernier débat contre Hillary Clinton. Alors les faits se seraient produits dans les années 80 et en 2003, Trump, complètement lâché par son parti, les Républicains, le principal intéressé réplique et dénonce un assassinat politique. Bon, on va parler sport maintenant avec Ribéry-Grizzly, c'est le clash. Ouais, Ribéry est-il jaloux ou alors est-ce qu'il vise juste? Chacun se fera sa propre opinion. En tout cas, le Munichois n'est pas tendre avec Antoine Griezmann, l'attaquant chouchou des Français, prétendant au Ballon d'Or, ne semble pas convaincre l'ex-international. Il estime dans la presse allemande qu'on reconnaît un vrai joueur à sa constance et que pour l'instant, eh bien, Griezmann n'est pas encore de classe mondiale. Il se vante un petit peu en disant que lui, eh bien, il est au top depuis 10 ans. Et puis du foot, surtout blessé, depuis un an, ouais, c'est pauvre. Et puis du foot, mais côté féminin, il a terminé par Jacques Sakadir, hein, bien sûr. Bah évidemment, c'est sa spécialité quand même. Jacques Sakadir. Du foot côté féminin, les Lyonnaises sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Champions League. Les tenantes du titre ont été plus fortes que leurs adversaires norvégiennes avec un nom de club imprononçable. Score final 5-0. Ce soir, ce sont les Parisiennes qui tenteront de réaliser la même prouesse, elles aussi face à des Norvégiennes. Allez les filles, merci Rémi. Prochain rendez-vous dans une demi-heure. Là, il est 8h06. C'est l'heure des 1500 euros sur Sky. Salle de bain de l'appart. Difool. Tout ma douche. Romano. Les conseils pas chers. Carriole. Libéré. Délivré. Cédric. Ah bah non, lui, il prend pas de douche. Le morning de Difool sur Skyrock. Bon, tu peux couper l'eau, s'il te plaît? Merci. Oui, couper l'eau. Et répondre Skyrock dans un instant. 1500 euros à gagner. Bernard de la Villardière arrive. Ah, un grand journaliste d'M6. Bonjour. Enquête Bernard. Exclusive. C'est tabou lui. Et compagnie. Eh oui. Comment ça va? Il est de retour avec un nouveau réveil de star qui arrive, Bernard de Lévy-Lardère, qui est là en pleine forme ce matin. J'ai fumé parfois du cannabis. Ah, c'est pour ça, du cannabis. Pute, drogue, arme, c'est ses spécialités. Et police aussi, oui. Et oui, les reportages d'M6 du dimanche soir, c'est vrai, ça tourne toujours autour des mêmes thèmes. Hein. Ah, mais les putes, je crois qu'il a fait toutes les putes du monde. Mais le mec, il est trop fort, par exemple, il est capable de te faire un reportage sur les voyages, je sais pas, moi, dans les Caraïbes. Et à un moment ou à un autre, tu vois une pute qui arrive. Ouais, c'est ça. Ah, les putes des Caraïbes. Et souvent, c'est même une pute qui fume de la drogue. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Bernard de la Villardière arrive pour réveiller les Français ce matin. J'espère qu'il va être bien accueilli, ce Bernard. Mais avant ça, j'espère qu'on va bien être accueilli, nous aussi, puisqu'on vous offre 1500 euros maintenant. J'espère qu'on arrive chez vous, 1500 euros à gagner. Comment gagner 1500 euros en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Oui, c'est facile. En répondant Skyrock, c'est ce qu'a fait Quentin il y a une demi-heure et j'espère que c'est ce qui va se passer aussi ce matin en région parisienne. Tiens, si vous nous écoutez en région parisienne, vous allez gagner peut-être 1500 euros. On va où? On va à Villejuif et on file chez les fakirs. Dans le 9-4. Dans le 9-4, ouais. Les fakirs, je dois dire fakir. Soelia Fakir. 1500 euros à gagner. Soelia. Allô? Bonjour Soelia. Allô, oui? Oui, c'est la radio. Ça veut dire sur la radio. Ça veut dire qu'on est à la radio. C'est comme la télé, mais il n'y a pas d'image. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Et c'est une boîte, il y a du son qui sort de dedans. Et c'est super. Il y aurait non. En fait, on t'appelle pour t'offrir 1500 euros ce matin. Est-ce que tu veux gagner des sous? Non. Je sentais que le contact allait moins bien passer, ouais. Déjà quand ils ne savent pas ce que c'est la radio. C'est déjà compliqué au départ. Je m'attendais à ce qu'ils disent, c'est quoi 1500 euros? Bah c'est un chèque. Le chèque qu'on vous offre toutes c'est les demi-heures. C'est du pognon. Bah oui, tous les matins sur Skyrock. Inscrivez-vous au 720-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Vous auriez 1500 au 720-20. Et c'est on vous d'ailleurs après. Quentin, t'as l'heure, il s'est inscrit au 720-20. Ouais. Bon, ou alors vous êtes feignant, vous avez pas envie de vous inscrire, mais ça marche aussi, on tire dans l'annuaire. On tire partout et on continue de tirer là tout à l'heure à 8h30 encore 1500 euros à gagner. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning qui fait... Oh putain, vous déchirez Skyrock. Dès le réveil. Mais le morning qui vous réveille avec Major Lazer. Everybody gets high sometimes, you know. Oh, et la voix de Justin Bieber. Oh, Justin. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. With you, and I want you to know, I won't let go. 12 sur Sky. On écoutait Justin Bieber et Major Lazer. Dans un instant, Rihanna, comme promis, elle arrive avec World Boy. World Boy, nanana. Et à 8h12, on est prêt pour le réveil de star. Tiens, un petit indice que je vais vous donner pour l'invité mystère dans un instant, parce qu'on va vous offrir vos iPhone 7 et vous regagnez. Il faut découvrir notre invité mystère. Ouais. Ouais. Ça sera pas facile. Il y a un piège. Je vous l'annonce. Notre invité mystère est piégé ce matin. Oh. Oui, c'est à 8h20. Bon, dans 5-6 minutes. Mais avant ça, on est prêt. Place au grand journaliste d'M6. Bon, d'ailleurs, c'est le seul. Oui, c'est ça. Quasiment. Oui. C'est vrai, il y a pas grand monde. Bernard de la Villardière, seul journaliste d'M6. Si, la nouvelle star d'M6, ça, c'est David Ginola. Le mec, ils le mettent partout. Oui, mais il présente pas de journaux. Non, pas encore, peut-être. On sait jamais, M6, ils font tout, ils sont multiformats. Ah ouais, ouais. Bon, Bernard de la Villardière, c'est enquête exclusive et c'est également le réveil de stars ce matin. Les stars réveillent la France. Moi qui ai fait le tour des putes de la planète, elles sont toutes belles à l'intérieur. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Quel lover, ce Bernard de la Villardière. Tu l'aimerais l'avoir dans ton lit, Cariole? Oh non, il dégoûte physiquement. Tu l'aimes pas? Non, je suis pas fan. Bah, non. Pourtant, beau gosse, tout ça. Avec sa raie. Il a une raie sur le côté comme ça. Non, j'aime pas, il a une tête de salace un peu. Oh, Bernard. Dédicace à toi, Bernard. T'es rhabillé pour l'hiver. Bon, Bernard de la Villardière, tout de suite dans le réveil de star. Bonjour. Bonjour. Et il va dire bonjour à qui ce matin? Ah, il va réveiller une famille. C'est la famille de Laurent. Laurent, la famille, Bernard de la chance. Hein. Donc on met Bernard de la Villardière en contact avec les familles de France. Et comme tu le dis, Romano, elles en ont trop de la chance. Ah ouais. Trop. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez un charme incroyable. C'est de la part de qui? Bernard. C'est Bernard. Bernard comment? Journaliste à M6. C'est celui qui fait les reportages à M6. Et ouais. Impressionnant. Vous, vous êtes M6? Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. T'as tiré de dire la bonne réponse. Non, c'est pas un jeu. Vas-y, c'est oui, allô? Laurent, oui, tu savais qu'il y avait des codes barres sur les préservatifs? C'est quand même bizarre, vous savez mon prénom. Tu l'as pas déroulé assez fort? Oui. Ouais, gagné! C'est formidable. Je crois que c'est un jeu. Vous avez gagné 2 500 €, c'est ça? Non. Bon. Non, mais allez, vous êtes qui, là? Parce que, enfin, on est un peu de la gendarmerie, donc on rigole pas trop. Les ateliers clandestins, voilà, le travail au noir, le trafic de drogue. Vous êtes quoi, capitaine? Absolument. Ah, ok. Deux spermatozoïdes en route après une éjaculation. Non, mais... Il y en a qui dit à l'autre, bon, on est bientôt arrivé aux ovaires, et l'autre lui dit, non, mais sois patient, on en est aux amygdales. Voilà, mais moi, vous riez. Didier, il s'en fume. Je la connais pas, votre blague, là. Je suis déçu. Oh. Je suis blonde, hein, désolé. C'est plutôt bas de gamme, à mon avis, un peu vulgaire. Vous avez pas une blague sur les blondes? Non, pas du tout. Arrête. Ah non, bah, ça va. Et quand elles ont la vulve très développée, comme ça, ça veut dire quoi? Moi qui ai fait le tour des putes de la planète. Ah ouais, ça. Elles sont toutes belles à l'intérieur. Et ben là, t'étais avec la femme de Laurent. Laurent et Bernard de la Villardière, quel bon contact avec la femme de Laurent, c'est bien marré l'autre. Ouais, ben elle était persuadée que c'était un jeu. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de jeu sur M6. Non, pas dans l'enquête exclusive. Non, mais je réfléchissais, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Sur cette chaîne, il n'y a pas de jeu. Si, il y a le truc le matin, là, le samedi, le dimanche. Oui, donc il n'y a pas de jeu, quoi. Ouais, voilà. Les stars réveillent la France. Moi qui ai fait le tour des putes de la planète, elles sont toutes belles à l'intérieur. C'est le réveil de stars sur Skyrock. Ah, une star, une grande. Et oui, une artiste Skyrock, elle était en concert cet été avec nous, d'ailleurs. Ouais. Riri, Rihanna, Hot Boy, dans un instant, un invité mystère piégé à découvrir et un iPhone 7 à gagner sur Sky. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is she big enough? need it and I'ma put it down. Fuck the love, I'ma give it to you stronger. Heads up, we can go a little longer. Tonight I'ma get a little crazy, baby. Like it, boy, I want, what you want. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I want is what you want. Nah, nah. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Rihanna sur Sky et à 8h20, c'est l'heure de jouer à notre invité mystère ce matin. Attention, il y a des pièges. Un invité mystère piégé ce matin, pas facile à découvrir. Écoutez bien, ça vaut un iPhone 7. Hein. L'iPhone 7, il est pour vous. L'invité mystère est là. L'invité mystère. What? Ouais, l'invité mystère tout de suite. Écoutez bien sa voix, c'est lui. Bonjour mes petits lapins. Alors vous avez trouvé? Bah Sarkozy. Eh bien non. Eh bien non, c'est pas Sarkozy. Écoutez bien notre invité mystère, c'est le même. Bonjour à tous. Jean-Marie Le Pen. Ça va être qui? ça va être qui? Eh ben non, Romano, c'est pas Jean-Marie Le Pen, notre invité mystère. Salut le morning. Salut. Vous avez reconnu? Nikos, mais oui. Salut le morning, c'est Nikos. Ah ouais, non, mais là, il est mal fait, là. Romano, tu viens de donner un indice, Romano, là. Ah ouais, c'est Nikos? Bah oui, c'est Nikos. Mais c'est pas la bonne réponse. Ah, seule la voix compte. Qui est notre invité mystère? Bonjour, Zizou. Ah, c'est Zizou. Ah, bah, j'allais te redire Sarkozy, moi. Non. C'est bien, les voiles, ça va plusieurs. Oui. Et donc, il fait donc plusieurs voix. Mais qui est donc cet invité mystère? Si vous avez une idée, vous nous envoyez des messages. Jean Dujardin nous dit Selma. C'est pas Jean Dujardin. Bonjour, mes petits lapins. Moi, je le fais aussi bien, hein. Bonjour, Romano. Mais tu es tout chauve. Là, je touche les épaules, là. Ouais, du calme, monsieur. Tu n'es pas un gaulois, tu es un bourguignon. Je suis bourguignon. Ouais. Bon, alors, qui est notre invité mystère? Facile. Quelque part, c'est pas si difficile que ça. Vous envoyez vite vos messages au 41759. Enfin, moi, je connais la réponse aussi, hein. Bon, la réponse, justement, vous la donne dans un instant et vous vous retrouvez en direct avec nous. Une réponse au 41759 ou sur l'appli Skyrock et hop, un iPhone 7 pour vous. C'est comme ça que ça marche dans le morning sur Sky. Il est 8h21. Bah, pourquoi tu cries? Et voilà, il rentre plus dans son jean. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Et bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Bon chéri, pour l'appartement, toi tu veux un canapé en cuir, moi une méridienne en tissu. Et tu veux suspendre les plantes alors que moi je veux les poser sur l'étagère. Oui, et alors? Alors pour le bien de notre couple, je pense qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un. Profitez-en vite! Pendant les journées qui changent tout chez IKEA, des architectes d'intérieur vous donnent gratuitement des conseils en aménagement et décoration. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin IKEA, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Inscription préalable et conditions sur IKEA.fr. IKEA. Nouveau message, Bouygues Télécom. En ce moment, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7, le Samsung A3 est remboursé. C'est 100% remboursé. Oui, bah c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Oui, une 100% super bonne nouvelle. Pendant les jours Tecna Bouygues Telecom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7 avec un forfait sensation, le Samsung A3 est remboursé avec un second forfait sensation 5 Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Telecom ou appelez le 3106.

Faut voter pour moi, hein. Oui, non. Ah, tu es bien une Gauloise. C'est une Gauloise. Ah, tu es une Gauloise pure souche. Bah, voilà, ouais. Dis-lui, Marion, dis-lui oui, ça va nous faire chier. Oui, je suis une pure souche, oui, tout à fait. Voilà, pure souche, très bien, très bien, oui. Parfait. Ça fait bien, non? Ouais, ouais, ouais, pas mal. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Hollande, allez. Ah, Hollande. Ouais, c'est assez limité quand même, comme imitation. Tiens, fais à la Juppé. Bonjour. C'est Sarkozy, ça. Ah, t'es chier aussi. Moi, je suis pas imitateur non plus. Bon, iPhone, il gagne. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est fait. Bravo, Marion. Alors, on va jouer avec les voix de Nicolas Canteloup, là. On va voir si vous savez reconnaître les voix de Nicolas Canteloup. La première, la deuxième, la troisième. On s'en fait 3-4. Allez, vas-y, envoie. Alors, je vous prends une des meilleures. Mais ils sont un peu des durs, hein. Alors, non, on va commencer par une facile. Bon, facile, parce que après, ils sont mauvais dans l'équipe, donc. Alors, une facile pour vous. Écoutez bien, elle est super. La France est un merveilleux pays. Il fait beau, les oiseaux chantent. Eh ben non, il y a plein de noirs et d'arabes. Est-ce que vous l'avez reconnu? Oh, c'est difficile, c'est la victime. C'est pas facile. Moi, je dirais Marine Le Pen. Eh bien non, c'est son père. Oh, merde. Ouais, c'est son père. Là, je me suis trompé. Désolé, désolé. Celui-ci, écoutez bien. J'ai joué dans les petits mouchoirs. Ah, Desca. Desca, oui. Je suis libertine, je suis un cotard. Celui-là, il le fait pas il mal, il le fait pas mal, celui-ci, ouais. Ah bah, celui-ci, si vous le reconnaissez, c'est pas simple. Quel affront de devoir serrer la main tous les jours à un collègue au moment même où il sort des toilettes sans s'être lavé ni même rincer les mains. Valls. Oh, Karim et Cariole. Cariole et Karim, bravo. Bah ouais. Ouais, celle-là, il la tient moyen quand même. Oui, c'est vrai. Ah, celui-ci, essayez de le trouver. Il est pas facile non plus. Hein. Mon secret de beauté, c'est mon hygiène bucco-dentale. C'est Barthez. Ribéry. Ouais. Ribéry, bien joué, Marion, bien, bien. Ouais. Heureusement qu'il a fait une faute de français, parce que bon. Oui, autrement, on le reconnaissait pas. En fait, c'est juste pour ça qu'on le reconnaît, ouais. Vous en voulez un autre? Allez. Facile, celui-ci. Voix un petit peu de Butler. On a l'impression qu'il passe toujours dans un tunnel avec des ruptures de faisceau. Et oui, là, vous l'avez reconnu, c'était Nagui. Nagui. Bon, le meilleur, c'est celui qui tient le mieux, c'est Jean-Marie Le Pen. Ah ouais, il est bah, ouais. Sinon, il y a Ségolène Royal, il l'a fait mal, mais c'est marrant la voix qu'il fait. Ségolène Royal, il l'a fait mal, tu veux que je te trouve Ségolène Royal? Mais la voix, elle est marrante. Alors, pour te faire plaisir, Romano. J'ai décidé qu'on allait rendre les autoroutes gratuites. C'est bon, on parle comme ça. C'est Ségolène Royal. Bon, et le meilleur, donc Jean-Marie Le Pen, une mention spéciale pour Jean-Marie ce matin. Ah ouais. Ah, et Nicolas Canteloup, donc. Ah, vous voulez la fin de l'histoire? Ah oui, bah, monsieur, ouais, ce sketch, il est phénoménal. Écoutez. Et je suis très heureux d'être là. La France est un merveilleux pays. Il fait beau, les oiseaux chantent. Eh ben non, il y a plein de noirs et d'arabes. Comment ça j'ai dérapé? J'ai pas dérapé. Ah, si, vous avez dérapé. Non, j'ai pas dérapé. Retourne chez ta mère, pédé. Ah, il y a deux chutes. Ah ouais, ouais, ouais. Nicolas Canteloup qui est revenu sur TF1 lundi dernier, c'est ça? Mardi. Bon, bah écoute, je regarde pas, c'est pas grave. Moi, j'écoute la radio libre tous les soirs. Bravo, Marion. L'iPhone Merci. 7, on te l'envoie vite à la maison. On te fait de gros bisous. On prépare Soprano. Tiens, on était à Lille, là, on va aller à Marseille. Soprano ce soir, ne le loupez pas hein, dans Planète Rap, 20h, 21h. Et demain soir, le Planète Rap spécial en direct de Marseille. Vélodrome. Et en direct du Vélodrome demain, oui. Ouais, et ouais, ça va se passer entre 20h et 21h, juste avant la radio libre sur Sky. C'est Fredo et Planète Rap, et le nouvel album de Soprano à découvrir. Et on remercie Soprano. Il était avec nous hier soir dans l'émission. Ouais. Il est venu nous faire un petit coucou, il est en pleine forme. Hein. Tout va bien. Ouais, Sopra, ce soir, 20h, 21h. Et dans un instant aussi, dans le morning, on l'écoute juste après les 1500 euros. Et les infos, c'est l'heure, Rémi, de commencer par la météo. C'est important, la météo. Eh ben oui. Il flotte du côté du sud, là. Ah, il flotte bien, même sur l'Hérault et dans l'Aude, là, puisqu'on a des départements en vigilance orange, pluie et inondation. C'est un déluge qui est attendu dans les prochaines 48 heures. Vent violent aussi, mais alors du côté des Bouches-du-Rhône, là, avec des rafales attendu jusqu'à 100 km/h. Les établissements scolaires de l'Hérault sont fermés, donc si vous êtes à l'école dans l'Hérault, bah restez à la maison. Et aucun bus ne circule dans l'Aude. Partout ailleurs, eh bien, c'est de la pluie qui va s'inviter aujourd'hui, sauf en Bretagne et en Alsace-Champagne-Ardennes, qui là, bah, ce sera quand même relativement épargné. Il y aura un petit peu de soleil et puis les températures. Là, sera quand même relativement épargné, mais c'est bien noté. C'est C'est Franck Ribéry qui fait les infos. Oui, oui, je crois. Ah d'accord. Oui. Les températures ce matin de 1 à 15 degrés, 6 en région parisienne, entre 10 et 16 du nord jusqu'au bord de la Loire et entre 17 et 24 au meilleur de la journée dans le sud. Et puis la qualité de l'air, c'est impec, les indices compris partout entre 2 et 4. Voilà, petite pensée à vous dans l'Hérault, bon courage, il n'y a pas cours aujourd'hui. On fait le point sur l'actu maintenant, l'actu et le sport, c'est parti à 8h32 sur Sky. Et des policiers supplémentaires dans l'Essonne après l'attaque du week-end dernier à Viry-Châtillon, annonce faite par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. 100 gardiens de la paix seront affectés dans le département, ce n'est pas assez pour les syndicats qui demandaient l'arrivée de 300 fonctionnaires. Un démantèlement loin d'être aussi simple qu'on a voulu nous le faire croire. François Hollande a promis que la jungle de Calais serait évacuée d'ici la fin de l'année. Eh bien, plusieurs associations portent l'affaire devant les tribunaux. Elles estiment que l'évacuation est une atteinte aux droits fondamentaux des exilés. Le tribunal administratif de Lille a 48 heures pour se prononcer. Une soirée importante pour les candidats à la primaire de la droite et du centre. Ils seront 7 derrière le pupitre à tenter de faire passer leurs idées ce soir sur TF1. Tout le monde s'attend à un duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Est-ce que ce duel est perdu d'avance pour Nicolas Sarkozy? En tout cas, c'est ce que les sondages disent. Le maire de Bordeaux est largement en tête. Il a d'ailleurs reçu le soutien hier de l'UDI par la voix de son président Jean-Christophe Lagarde. Tous les prétendants à l'investiture pour la présidentielle auront 15 minutes pour s'exprimer. Le dialogue pour tenter de sortir de la crise en Syrie. Les chefs de la diplomatie russe et américaine doivent se réunir dans quelques heures. Les deux pays ne se sont pas parlé depuis plusieurs semaines. Vladimir Poutine a accordé une interview hier soir au journal de 20h sur TF1. Le chef du Kremlin n'a pas chargé François Hollande. Il estime que les puissances occidentales sont responsables de la montée du terrorisme en Syrie. Bon, on fait le point sur le sport maintenant avec un point sur les stades. Il y a de moins en moins de monde dans les stades français. Oui, un championnat pas toujours intéressant, des billets relativement chers et parfois des infrastructures qui laissent à désirer. La fréquentation des stades est en baisse et a même perdu 4,9% par rapport à la même période l'an dernier. Certains s'en sortent très bien, mais alors d'autres perdent gros. Comme à Marseille, les Phocéens ont perdu 43,3% de leur affluence, soit à peu de choses près la moitié du Vélodrome. Moins 30% pour Montpellier, moins 17% pour Monaco, moins 15% pour Lille, moins 4% pour le Parc des Princes. A contrario, ça va plutôt bien pour Toulouse qui double sa fréquentation. Et puis du côté de Metz et Nancy, on enregistre des hausses de 27 et 26%. Malgré tout, faut relativiser ces résultats car dans le compte, eh bien, les clubs ajoutent les abonnés qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Par exemple, 42 000 spectateurs ont été annoncés pour le match Paris-Dijon. C'était le mois dernier, alors qu'il y avait à peine 29 000 spectateurs. Ah oui, quand même. Ouais. Du hand avec la quatrième journée de la première division, Créteil a dominé Chambéry 31 à 29. Montpellier a eu raison d'Aix-en-Provence 31 à 22. Match nul, 30 partout pour Toulouse-Saran et Nantes-Ivry. Victoire pour Cesson-Rennes et Nîmes. À suivre ce soir, Dunkerque-Paris, ce sera à 20h45. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h35, c'est l'heure de vous offrir 1 500 € sur Sky. En direct de l'appart, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Et oui, on vous accueille tous les matins dans notre appart. Le studio est là, derrière il y a la cuisine où Rémi passe son temps. Il adore manger, t'aimes bien manger. Bah hein. Oui, mais il n'y a jamais rien. Bah attends, j'ai ramené des gâteaux. Oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, alors là, je... bah, en fait, il passe la moitié du temps en cuisine et l'autre au chiotte. Bah oui, bah il mange et il évacue. Bah oui, c'est la vie, c'est comme ça. C'est ta vie d'ordure humain. Tu pourrais dire que je travaille un peu. Un peu, d'accord. Oui. Bah, une fois toutes les demi-heures, il est là avec nous. Bon, il est l'heure de vous offrir 1 500 €. Ça tombait il y a une heure. C'est à Besançon que c'est tombé chez Quentin. Bravo Quentin. Félicitations, tu travailles avec Skyrock le matin. Eh ben, t'as bien raison. Et en plus, tu réponds Skyrock quand on t'appelle. C'est encore mieux. C'est peut-être ce qui va vous arriver. Skyrock, ça vaut 1 500 €. Bien joué. C'est la radio qui vous offre tout ça tous les matins et qui se réveille avec vous. Et si vous gagnez pas les 1 500 €, on peut tous se rattraper. Vous pouvez vous rattraper avec les conseils pas chers qui arrivent. Et je vais vous proposer une nouvelle arnaque. L'arnaque. Il est fier. Écoutez comme il est fier de lui. Et je vais vous proposer une nouvelle arnaque. Bouillant. Et tu es content. L'arnaque à l'étiquette. Oh. L'arnaque à l'étiquette. Je vais vous expliquer, il y a deux Belges qui ont fait ça. De quoi s'agit-il? On va tout savoir dans un instant. Ils ont quand même carotté des gens pour 120 000 euros. Ah oui, donc c'est une belle arnaque. Ah, grosse arnaque, ouais. Et moi, avant 9h, je vous propose la compile du morning. Et ce matin, la compile, ça concerne les galères chez le dentiste. Galères. Si vous avez déjà galéré chez le dentiste, d'ailleurs, je fais un petit coucou à toutes celles et à tous ceux qui vont aller chez le dentiste ce matin ou dans la journée. Bon courage à vous. Le dentiste, bah, ça fait mal, ça dépend. Moi, j'ai un dentiste, il fait pas mal. Moi, j'aime pas. Vous allez me dire, j'ai une dentition exceptionnelle. Regardez, je vous souris. Oh, arrête, ça éblouit. Sting, sting, sting. Excusez-moi. Ah, oh, c'est incroyable. Ah, oh, j'ai perdu 2 dixièmes aussi. Bon, on file chez le dentiste. D'ailleurs, si vous avez eu une galère chez le dentiste, vous pouvez nous dire, hein, vous nous laissez vos messages, allez-y. Bah moi, la galère, c'est qu'il m'a arraché 13 dents. Hein. Voilà, bon, ça c'est pas mal, déjà un premier témoignage. Mais avant 9h, on découvre notre compile du jour, l'horoscope aussi, et du son pour se réveiller. Soprano arrive après les 1 500 €. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. C'est Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. 1 500 € pour faire des heureux ce matin. Allez, c'est peut-être pour vous. 1 500 € à gagner. qui va gagner 1500 euros? Peut-être quelqu'un qui habite en Picardie ce matin. On file dans le 80, même dans la Somme. Donc, la Somme est de 1500 euros. Je sais ce qui fait rire Carillon. Hein, t'as vu, plus c'est pourri, plus rire. Ah ouais, ouais, ouais. Une somme à gagner dans la Somme. Ah bien, chez Émilie Cocagne. Allez, c'est parti. Chez Émilie pour les 1500 euros de ce matin. Bonne chance, Émilie. Faut répondre avant la cinquième sonnerie. Réponse Skyrock. Facile. Ouais. Skyrock, 1500 euros, c'est pour vous. Et c'est le bonheur. Allô? Oui. Bonjour, madame Cocagne. Oui. Oui, vous êtes Émilie Cocagne, vous? Oui, c'est ça. Oui, je vous connais, oui. Oui. On est en direct à la radio. On te regarde. Je crois que c'est un pervers. Non, c'est pas DSK au téléphone. On est en direct à la radio, Émilie. Et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros. C'est pas vrai. Parle voir un peu mieux dans ton téléphone. Ah, Romano, il t'entend mal. Ouais, qu'on apprécie ta belle voix. Ah, excusez-moi, je suis en train de bosser, je suis en train de faire les toilettes, désolé. Ah, bien joué, Karine. Fais pas tomber le téléphone dedans. Hein. Ah, bah oui. Ah, non, y a pas de soucis. Tiens-le bien. Ou alors après. Ouais, c'est bon. Ouais, bravo. Après avoir répondu, tu peux faire tomber le téléphone. Je suis choquée. Ah, bah il faut pas. T'as vraiment gagné 1500 euros ce matin, Émilie? Non. Bien joué. Si. Voilà, 1500 euros au chiotte. Ah ouais. Donc tu fais le ménage toi le matin? Comment? Je dis, tu fais le ménage en écoutant Skyrock le matin toi? Ah oui, tout le temps, je vous écoute tout le mais temps. Mais c'est tes toilettes à toi ou tu travailles pour des gens? Ah non, là moi je travaille pour la région. Ah donc, d'accord, okay. Je nettoie la merde des gens. D'accord, ok. Ouais. Eh ben écoute, il en faut. Bah très bien, en tout cas, tu t'es bien démerdé ce matin là, vraiment. Bravo, ouais. C'est le deuxième. T'es bien démerdé le matin. Ouais, tu vois, il faut faire plus simple. Vous n'avez pas besoin de la même voix au téléphone, hein. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est avec vrai, t'es pas la première à nous dire ça. Ah franchement, vous n'avez pas. Ça m'arrive masqué un peu. Oui, oui, même si vous. Ah là là. Bah écoute, en tout cas, tu t'es pas laissé piéger. Tu as gagné 1500 euros. Bravo, Émilie. On t'envoie ça très très vite. Tu vas faire quoi avec les 1500 euros? Franchement, je suis dans la merde en ce moment, je vous fais les dents, donc t'es dans la toilette. Là, je vais payer avec ça. Et ben voilà. Allez. Et je t'en plaisir à ma fille. On va boucher les trous. T'es la deuxième qui bouche les trous. Une petite dédicace quand même. Allez, petite dédicace, vas-y. Bon, même petite dédicace à tous ceux qui m'ont reconnu pour la région et un petit bisou à mon ami. Salut les collègues et l'amour aussi. Salut la région. Ouais. Et bravo Émilie. T'es la deuxième à qui on bouche les trous ce matin. Absolument, oui. Tout à l'heure, on a bouché le trou de Quentin. Bon, c'est sympa, mais là, c'est le tien qu'on bouche. Ah, franchement, je suis trop heureuse. Vous pouvez même pas vous imaginer. Eh ben, super, Émilie. On te fait un gros bisou, encore plein de bisous, ouais, même si, d'ailleurs. Et raccroche pas, on t'envoie ton chèque très très vite. Il arrive très vite à la maison. Au revoir. Bisous, Émilie. Salut, Émilie. Bisous, bon courage. Faites la même chose, hein, vous aussi. Répondez Skyrock, même en nettoyant les toilettes. Bah oui. Ça tombe souvent dans les toilettes. Hein. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien, c'est un endroit où on passe tous les matins. Vous hein. Répondez Skyrock et c'est 1500 euros dans la poche. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de default sur Skyrock. Ouais, pour augmenter vos chances de gagner, vous inscrivez maintenant. Puis on vous rappelle le prochain coup. Hein. Inscrivez-vous au 720-20, vous envoyez 1500-720-20. Et on est en feu ce matin, soprano. On est chaud. Il est 8h40. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je me reste de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer, boum, dans la nuit tard. Sors de la piste, fais une grande carte de Van Damme. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien que. Si tu me parles, rien que. Si tu me touches, rien que. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kérigo, ce soir je te confie. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien peu. Si tu me parles, rien peu. Si tu me touches, rien peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Clairement ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Clairement ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Clairement ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Ouais, Soprano ce soir 20h-21h dans Planète Rap. Et demain soir aussi dans Planète Rap. Toute la semaine, c'est sa semaine à Soprano. Et demain soir il est à Marseille, chez lui, au Vélodrome. Au Vélodrome, un an avant de se retrouver justement au Vélodrome. Sur la scène. Sur la scène, un concert Skyrock à pas louper. Et une tournée, il va se taper un nombre de dates Soprano. Il ira forcément près de chez vous avec Sky. Tournée Skyrock, tournée ouais. Soprano. Et ce soir 20h-21h. Il est même passé dans la radio libre hier, il était en pleine forme le Soprano. Très bien ouais. En fait il était sur les rotules, il en peut plus. Ouais, il est fatigué un peu. Il est fatigué le Soprano. Bon, moi je vais arnaquer des gens parce que je ne fatigue jamais dans l'arnaque. Non mais ça j'ai remarqué vraiment là. Jamais. Jamais, jamais. Jamais de coup de mou. Les conseils pas chers, on file chez le dentiste avant 9h du matin, c'est ah, promis cool. aussi. Ouais, ça c'est sympa. Non, super. Je vous ai réservé ça, la compile du morning arrive, l'horoscope aussi, et tout de suite donc les conseils pas chers. Après Alice au pays des merveilles, c'est Romano au pays de l'oseille. Les conseils pas chers sur Skyrock. Romano au pays de l'oseille, dis donc. Ah ouais. Alors, conseils pas chers, ce matin on parle d'étiquette et d'une arnaque à 120 000 euros. Ouais. Bon, un truc courant, tu sais, c'est pour payer moins cher. C'est l'eau. L'eau courant. Non. Là je te dis, et puis les blagues, c'est simple parce que dans l'équipe ils sont. Ils comprennent rien. Hein. Ah, rien du tout. Hein. Ouais. Alors. C'est une blague EDF. Non, je dis toi. Par exemple, c'est. Bon, toi, dit full, tu l'as jamais fait. Mais tu sais, par exemple, tu prends un camembert pas cher, tu prends le code barre et tu le mets sur un cher, comme ça tu mets pas cher. Non, mais tu sais que moi je suis honnête. Oui, bon, bien sûr. C'est pour ça qu'on s'entend bien avec Romano, parce qu'en fait on n'est pas du tout pareil. Lui il est petit, moi je suis immense. Il est chauve, j'ai plein de cheveux de partout. Ah bah, dit full, il y a une queue de cheval. J'ai pas de queue de cheval. Ah, si, devant. Si, si, devant. Ah, voilà, si, bah, voilà une autre, cheval, une autre différence entre nous. J'ai une queue de cheval et c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a deux résidents belges. Bon, ils se sont fait choper. Hein. Ils avaient carotté pour 120 000 euros. En fait, ils mettaient par exemple une étiquette d'un super vin bien cher sur une bouteille de merde, genre une bouteille de champagne. Ils mettaient par exemple, je sais pas, Moët et Chandon, mais en fait dedans c'était du mousseux. Très bien. Ils faisaient ça aussi avec du Saint-Émilion. Ils mettaient une bouteille de la Villageoise. Ils ont fait aussi avec Volvic. Par exemple, ils prenaient l'eau du robinet, ils collaient l'étiquette Volvic et les gens ils sont tombés dans le panneau parce qu'ils en ont carotté pour 120 000 euros. Eh ben bah, les Belges sont naïfs. Hein. Bon, 18 mois de prison ferme hein, quand même. Que je... Ah non, ils faisaient ça en France. Hein. Ah ouais, bah, les Français sont naïfs alors. Ben bah, comme vous avez bien carotté. Bah, hein. Que je vous ai escroqué, les amis. Hein. Et ce matin, je vais proposer aux familles des grands vins, bien sûr, que j'ai remplis avec des vins de merde. Oui. Et je vais leur proposer une bonne affaire, bien sûr. Évidemment. Si vous bossez aux caisses, si vous êtes hôtesse de caisse, je suis sûr que ça vous arrive, ça. Des gens qui essayent de gruger. Ah, d'ailleurs, Romano, mais je vois tes yeux qui brillent, que tu l'as déjà fait. Non, mais ça, c'est t'as facile. Pris un camembert premier prix, tout ça, tu l'as mis dans un. Non, mais si, ouais, sinon, je change carrément la boîte, hein, ouais. Tu prends le camembert à terre, tu le mets dans l'autre boîte. Même pas besoin du code barre. Ouais, mais ça peut marcher, elle vérifie pas, les filles. Hein. Non, mais non. Eh, hey, les filles, vérifiez maintenant qu'on en a parlé sur Sky. Attention, il y a des électros. Ouais, bonjour, Serge. Oui. Ouais, comment tu vas? Ça va. Et toi? Bah, ça va, nickel. Serge, toi, tu bois, toi? Oui. Oui, bah évidemment, direct, bien connu. Tu sais que tout le monde te connaît dans le village, hein. Je vais te proposer, oui, là, attends, je dis. Attends, parce que là, j'entends... c'est moi qui entends plus, là. Ouais, la merde dans le tuyau, là. Oui, il y a de la merde dans le tuyau. Ouais, alors... ouais, les oreilles, c'est comme le cul, il faut les laver, mon pote, hein. Bah oui. Bah oui. Tiens, je viens de t'apprendre un truc, on dirait. Bon, dis-moi, j'ai des super bouteilles de vin, là, à te proposer, là. Des superbes bouteilles de vin. Ah, des bouteilles de vin, des trucs magnifiques, du Bourgogne, du Bordeaux, du Beaujolais et tout. Bah, tu sais que je ne bois pas d'alcool, moi. Bon, attends, à d'autres, eh. Tu bois quoi? Ah, non, je bois pas de vin, moi. Mais t'as bon. Arrêté? Non, j'ai pas arrêté. Mais ça vient d'où ton nez? Ça fait longtemps que j'en bois plus. Ça vient d'où ton nez rouge? Oh non, le pauvre. Fait froid, peut-être, non? Non, c'est vrai que je ne bois pas de vin. Bon, bah, j'ai de l'eau, sinon. T'as tombé en atout. J'ai de l'eau, oui. Une petite bouteille de Volvic. De Volvic, oui, ça j'en bois de temps en temps. Ah bah, je vais t'en amener un pack. Non, je plaisante pas, hein. Non, mais bah, moi non plus, je plaisante pas. J'arrive dans 5 minutes, je t'amène un pack de Volvic. Et en prime, je te mets un pack d'Evian, tiens. Oh. Ah ouais. Bah alors, c'est bien. Les deux pour le prix de 3. Pourquoi c'est des trucs tombés du camion? Ouais, sinon, c'est hein. Ouais, c'est plus ou moins. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais oui, ouais. T'es sympa, je vais t'expliquer l'arnaque. Je prends une bouteille d'eau, par exemple de Volvic. Une fois qu'elle est vide, je fous de l'eau du robinet, je la revends et les gens y croient comme des cons. Ah oh, mais t'as bien fait. Oui, ouais, bon, ouais, bah je. On gagne de l'argent comme on peut maintenant. Hein. Bah voilà, bah vu que toi ça t'intéresse, j'arrive dans 5 minutes avec l'eau du robinet en fait, qui est pas de la Volvic. D'accord. Je te fais le pack à 15€, les deux pour 45. Ah bon? Ah oui, mais c'est quand même du bon, ça, alors. Ah ouais, c'est du bon. Bah, je suis là dans 5 minutes. Oui. Ah bah, à tout de suite, mon Serge. À tout de suite. Et prépare la monnaie, hein. Oui. Nickel. Eh bah, gros bisous, Serge. Allez, bisous. Bisous, bisous, à tout à l'heure. Et un conseil pas cher. Et un conseil pas cher réussi. Ah, on en a. L'arnaque belge à l'étiquette, elle marche. Ouais, faites gaffe si on vient vous proposer du vin. Oui, hein, c'est une bonne affaire. Tiens, il y a Antoine, il est hôtesse de caisse. Enfin, hôte de caisse, plus précisément. Il va vérifier dès ce matin les escrocs comme toi, Romano. Je vais les débusquer. Non, mais... Débusqueur d'escrocs. Pour être sûr que ça marche, je n'incite personne au vol, hein, évidemment. Hein. Bien sûr, jamais. Mais faut faire ça quand il y a vachement de monde. Parce que les caissières, elles ont pas le temps de, tu sais, d'ouvrir les boîtes et tout. Tu vas quand il y a plein de monde. T'es à ouf. Et hop, tu te fous dans la caisse. En fait, il a toutes les méthodes pour escroquer les gens, c'est dingue. Ah ouais. Bon, il est 8h49, on prépare l'horoscope de l'amour dans une minute et on va parler de galère chez le dentiste. C'est la compile du morning qui arrive. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Salut Sananas. C'est Sananas. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux. Dommage. L'idée, c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Bah chérie, c'est quoi tous ces produits de beauté là? En ce moment, Carrefour fait place à la beauté, alors moi aussi! Parce qu'il y a plein de promos sur des centaines de produits de marque. Par exemple, 40% de remise immédiate sur le lot de deux shampoings Garnier Fructis. Mais du coup, j'ai plus de place! Oh, t'exagères! Jusqu'au 24 octobre, Carrefour fait place à la beauté avec des promotions sur des centaines de produits de marque. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le lot de deux shampoings Garnier Fructis dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. 2 x 250 ml, voire produits concernés dans votre catalogue disponible sur carrefour.fr. Carrefour. Oui, Carrefour. Et l'horoscope de l'amour sur Skyrock. C'est l'heure. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et l'horoscope de ce jeudi 13 octobre. Est-ce que le 13 va vous porter chance? On va voir. Puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. On démarre en bas de l'échelle. Ouais, chez ouais. Les scorpions et les poissons aujourd'hui, vous avez 0. Évitez de manipuler les autres. Ne cherchez même pas à le faire, ça servira à rien. Restez sincère, c'est la meilleure manière, le meilleur moyen de serrer aujourd'hui si vous êtes célibataire ou d'essayer de limiter les dégâts avec votre partenaire. Bon courage les scorpions et les poissons. 1 sur 5 les Verseaux et les cancers. Humeur un petit peu capricieuse aujourd'hui au niveau de l'amour. Poussez pas le bouchon un peu trop loin pour éviter d'énerver les autres et ceux que vous aimez en particulier, les Verseaux, les cancers. 1. Bélier, Sagittaire, vous avez 2. Arrêtez de jouer au jeu du chat et de la souris. Ça vous fait rigoler vous, pas forcément les autres. 3 sur 5, les magnifiques Capricornes, comme moi, Difool. Oui, comme toi, Difool. Et les Vierges. Vous prenez de super bonnes initiatives en amour aujourd'hui. Des initiatives qui seront couronnées de succès. 4 sur 5, les Balances et les Taureaux. Ah, vous avez la tête sur les épaules et c'est ce qui fera plaisir aux autres aujourd'hui. Vous êtes rassurant et rassurante. Et 5, les meilleurs. Eh ben, il nous manque les Lions et les Gémeaux. Vous êtes là, les Lions et les Gémeaux. Vous avez 5 sur 5. Célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui vous kiffe en secret. En tout cas, de bonnes occasions aujourd'hui. Et pour les couples, une excellente journée. Et notamment pour ceux qui se sont engueulés il y a pas longtemps. C'est une journée de réconciliation. Ah, ça c'est bien. On dit réconciliation. Réconciliation, oui. Excusez-moi, je parlais en américain. En gros, vous faites la paix, quoi. Les Lions et les Gémeaux, vous avez 5 sur 5. Bravo. Ah, oui. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to do. to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. 21 Pilots sur Skyrock Ride à 8h54, presque 55, c'est l'heure de notre compi du jour. Aujourd'hui, on file chez le dentiste. Oh, génial. Vous avez des mauvais souvenirs de chez le dentiste? Moi, j'aime pas, non. Bah, mes 13 dents arrachées, je te dis. Ah ouais, Romano, 13 dents arrachées. Bon, Cariole, j'aime pas, tu crois que tu es majoritaire, hein? Oui. Il y a peu de gens qui disent, ah putain, c'est génial, aujourd'hui, je vais chez le dentiste. Non, mais même pour un détartrage, je supporte pas, j'adore le détartrage. Oh. Ah non, mais Cariole, c'est niveau médecin, tout ça, c'est une galère. C'est une relou. Ah ouais. Une fois, je l'accompagne à l'hôpital, devait faire une prise de sang. La bonne femme, elle l'emmène dans une pièce. Je lui dis, vous devriez fermer la porte. Elle me dit, mais non, ça va aller. 30 secondes après, elle l'a fermée, elle est en train d'hurler à la mort. T'as tout le monde dans la salle d'attente qui regardait. Les gens avaient peur, ils allaient se faire piquer juste après. Ils se disaient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils lui font? Non, mais le dentiste ouais, c'est un peu pareil, hein. Mais il arrive même pas à te détartrer, le dentiste. Pas jusqu'au bout, non. Tu cries? Ah ouais, je crie, je tombe dans les pommes. Super pour ceux qui attendent la salle d'attente, ils ont une folle qui est sur le siège de la torture. Ouais, puis je suis trempée et tout, elle peut rien faire, quoi. Ah, tu es trempée, bonne nouvelle. Ah, bah, il y a au moins ça, il doit être content de rentrer. En même temps, cette famille, son père, à Cariole, il s'est obligé de lui donner des calmants avant d'y aller, parce que sinon il fait des malaises à chaque fois. Et le dentiste, il en avait marre qu'il fasse des malaises, que ça lui faisait perdre du temps. Il lui a filé une boîte de médicaments. Vous en prenez avant de venir. Il est complètement stone sur le site. On va faire un petit point sur les galères chez le dentiste. Ah tiens, pour c'est faire plaisir galéré à tout le monde. Ah, le magnifique bruit de la roulette. La roulette, ouais. Elle est plus jolie, la roulette de Skyrock. Hein. Elle va tourner notre roulette aussi. Ouais. Ah tiens, inscrivez-vous pour la roulette, vous voulez gagner Joule. Vous inscrivez, vous envoyez roulette au 720 20 72020. Ouais. C'est le numéro de téléphone. Et vous laissez roulette et vous gagnez Joule. Bon, on est dans la roulette, on va chez le dentiste. La compile du morning de Default sur Skyrock. Et oui, compile de galère chez le dentiste. À la place numéro 3. Numéro 3. Numéro 3, le dentiste le plus propre du monde en Angleterre. C'est un dentiste qui stockait son matériel. Alors, il n'avait pas beaucoup de pièces dans son cabinet, donc il les a stockées dans ses cabinets. En fait, il stockait tout le matériel dans les WC. Oh non. Donc, il allait faire à l'intérieur du chiotte. Ouais, à côté. Il allait faire pipi, il allait faire caca, et puis juste à côté, t'avais des petits placards avec du matériel. Oh, bah. Et il avait aussi une petite particularité, il oubliait de changer les gants entre chaque patient parce que c'était un gros radin, comme un ami à moi. Oh, ouais. Donc en fait, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'infections dans étrange. Ouais. Pourtant, les normes d'hygiène étaient fortement respectées. Ça a duré 30 ans quand même, hein. Ah ouais, quand même. Il y a des patients qui ont porté plainte après avoir eu des trucs horribles dans la bouche, genre des mycoses, des machins ignobles. Au bout d'un moment, ils s'en sont rendu compte, ça y est, ils n'exercent plus. Ah, au bout de 30 ans, c'est temps. Bonne nouvelle pour nos amis, les Anglais. Numéro 2. Numéro 2. Ah, bah ça, c'est une erreur. Oui. C'est aux États-Unis, c'est passé un dentiste. Bon, il était un petit peu bourré, un petit peu défoncé. Je sais pas, ça devait l'amuser ce jour-là. Il y a un patient qui arrive qui voulait se faire arracher 4 dents de sagesse. Ouais. Bon, il l'endort, il endort la bouche, tout ça. Il lui arrache ses 4 dents de sagesse. Puis là, il se dit, allez, je vais lui arracher tout le reste. Il lui a arraché toutes les dents. Ah mon Dieu. L'autre, il est tombé à bon nom. J'ai plus mal aux dents. C'est normal, monsieur, vous n'avez plus. Alors, vraiment, il y avait mal aux dents. Hey, plus rien. Je vous ai tout enlevé pour le même tarif. Mais le mec, c'est un dingue. C'est compliqué pour manger. Mais le mec, je me lève, mais je lui enfonce mais la roulette. Mais il a plus mal aux dents. Dans le cul, quoi. Non, mais il a plus de dentiste non plus parce que le dentiste est en prison. Ouais, vaut peut-être mieux. Et attention. Numéro 1. Ça se passe à Saint-Etienne. Chez moi. Ah ben, un dentiste obligé d'appeler l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'un patient a fait une petite erreur. Il a avalé la fraise du dentiste en pleine opération. La fraise qui s'est désintégrée. Le mec a avalé le truc. Bon, il s'étouffe. Horrible. C'est horrible. L'hôpital, oui, elle est super cette histoire. J'adore. Donc, on salue les... Ah, je pensais que dans le classement, il y aurait le dentiste bourguignon, là. Lequel ? Le boucher bourguignon. Ah, celui de Château-Chinon. Ah ouais, ou le mec, par exemple, des bonnes femmes. Mais il y a des gens qui se sont fait bousiller, mais... Bah, mâchoire disloquée, bout de roulette ou de fraise laissée dans les plaies. Je crois que le meilleur. Infection à répétition. C'est qu'une fois, en fait, le mec, donc la meuf va se faire arracher une dent. Le mec la recoue. Et en fait, il a recousu la joue avec la gencive. Ah, mon Dieu. Il y a un problème, je vois ce qui se passe, j'arrive plus à parler. Et je crois même une fois il avait cousu la langue. Oh non. Il y a un peu à parler en plus. Laissez les dents. Faites attention, d'ailleurs si vous allez chez le dentiste aujourd'hui, vous êtes content. Hein. Non mais le mec là en Bourgogne, il a été recherché, je crois qu'il est en tôle. Oui, mais il a bousillé des jambes, un truc de ouf. C'est le Hollandais là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, pour revenir au truc de Saint-Etienne, ils se sont rendus compte, les médecins à l'hôpital, ils ont fait une radio, que la fraise était descendue jusqu'au poumon gauche, au niveau du poumon gauche. Ah ben ouais, mais c'est, ça peut être dangereux, ça aurait pu perforer tout le mec. Voilà, donc le mec s'est retrouvé opéré en urgence pour la fraise dans le poumon et les dents toujours toutes pourries. Voilà. Voilà pour les galères chez le dentiste. Salut à ceux qui y vont aujourd'hui. Bah, je crois qu'il va y avoir des annulations au niveau des rendez-vous. On vous a motivé, c'est pas ouais, grave, ouais. Allez, on y va. Tiens, je suis nouvelle sur votre application. Je ne sais pas si les messages que je vous envoie arrivent. Oui, ça arrive, Mumu. Si, si, c'est bon. Et pareil au 7-20-20. Hein. Vous envoyez roulette au 7-20-20. On était dans la roulette, on y reste et vous gagnez Joule. La tournée de Joule. Vous voulez aller le voir, même les dates complètes, on a encore des places. C'est seulement et en exclu sur Skyrock, une tournée Sky. Joule a gagné tout de suite. Bonne chance à vous, il est 9h. Sympa ton nouveau salon. Merci. Attends, laisse-moi deviner. Hein. Canapé, table basse, bibliothèque, meubles télé, lampe tapis. Allez, je dirais 687€. Ouais, comment tu sais? Yes! Bah voilà, j'ai gagné, j'emporte tout. Tiens, tu m'aides à prendre le canapé? Non mais qu'est-ce que tu fais? Repose ça! Ah, si tout était comme chez Ikea. Pendant les journées qui changent tout, devinez le prix de l'une de nos 4 pièces mystères pour la gagner. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin Ikea, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Conditions sur Ikea.fr. Ikea! Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Les 4 semaines les moins chères de France continuent chez Intermarché. Cette semaine, vous avez jusqu'à 70% d'économies sur une grande sélection de produits. Oui, vous avez bien entendu, 70% d'économies. Et tentez de gagner des milliers de cadeaux en faisant vos courses. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher, on vous rembourse 2 fois la différence. Modalité complète, règlement et magasins participants sur intermarché.com jusqu'au 23 octobre. Tout doit disparaître chez Conforama et vous avez jusqu'au 25 octobre. Le lave-linge Indesi Top 5 kg est à 275,44€ au lieu de 419,99€. 35% de remise. Bah dites-moi qui fait mieux. Mais attention, hein, ça disparaît vite. Allez, vite, vite, vite. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25€ ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Kiabi colore la vie. Ce n'est pas parce que l'hiver arrive que votre dressing doit se prendre un vent. La mode hiver est déjà chez Kiabi. Avec des couleurs chaudes et des matières tendances comme ce pantalon enduit avec détail zip, 5 coloris à seulement 12€. 12€ pour être stylé le jour ou glam la nuit. Oh, j'en frissonne d'envie. Du 12 au 25 octobre, conditions magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Salut, c'est Antoine Decaune. Je suis là pour vous parler de liberté. Liberté de regarder les matchs de foot de Canal+ dans votre bain. Des films pendant une cérémonie ennuyeuse, des séries en cachette au bureau. Cette liberté, mesdames et messieurs, on peut maintenant s'y abonner sans engagement dans MyCanal. Vive la liberté ! J'aurais dû faire de la politique, moi, non ? Nouveau, découvrez Canal+ sans engagement dans MyCanal à 19,90€ par mois seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur mycanal.fr pour en profiter. Good morning. Show. dans sa vie. Elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a pris de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme ça, dame. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. De partout elle fait des avances, elle n'a pas que sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et même prolongation jusqu'à 9h10, il est 9h05 sur Skyrock. Attention, Fredo arrive avec le son de Sky, Urban Music non-stop sur la première radio urbaine mondiale, c'est dans un instant. Ouais. On a encore du gros son toute la matinée. Ouais. Et des gros cadeaux à gagner avec du Joule toute la journée, avec toute l'équipe de Sky. Vous gagnez la tournée de Joule. C'est pour Elena de Paris. Salut Elena. Salut Default, salut toute l'équipe. Salut Elena. Alors salut. Tu as 21 salut. Ans, tu fais quoi dans la vie Elena? Alors, je suis étudiante encore pour l'instant. Très voilà. Bien. Et t'aimerais te détendre en allant voir Joule? Ah oui, je cherche des places partout, j'en trouve nulle part, vraiment. Ah, il n'y en a plus, mais il n'y en a plus. Ah, ouais, c'est archi complet, ouais. Paris, c'est. Ah, il y en a c'est plus. Complet, oui, ah, oui. Ouais, ouais, ouais. Tu peux les acheter voilà. Au noir, mais ça coûte plus cher. Ah, hein. Cher. Bon, et voilà, donc je suis fan et je trouve nulle part. Oh, bah, sur Sky, c'est gratuit. Allez, on y va, on fait tourner. Skyrock t'offre Joule en concert dans la ville de ton choix. Joule sur Skyrock. Frappeur, et Elena qui fait tourner, c'est parti pour ta roulette, Elena. Ok. Stop. Bien. Alors. Ah, félicitations de carriole, attention, c'est validé. Hein. Oui. Eh bien, Elena, elle a raison de valider, puisque t'as gagné tes deux places pour Joule. Bravo. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, mille fois, merci. Ça y est, tu les as. Et voilà. Contente. Tu cherchais tes places, et ben tu les as, tes places. Deux places pour aller voir Joule, donc avec qui tu veux, tu ramènes qui? Ça fait un heureux. Mon copain qui est fan aussi, je crois. Et ben voilà, donc en amoureux, beau concert au mois de décembre à Paris, à merci pas louper. Merci beaucoup, merci l'équipe, à toi, merci Elena. À toi, vraiment. Et ben bon courage beaucoup. Pour les études, Elena, et plein de gros bisous à toi. Ça marche, gros bisous. Salut. On te fait un bisou. Et on retrouve le zap du morning. Ciao Elena. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. C'est la journée mondiale de la vue et la mairie organise un petit test d'ophtalmologie pour les habitants. Oui. Donc ce matin, je viens, je te mets les doigts dans les yeux et après je regarde si tout va bien. Ouais, je t'emmerde, t'es imbécile, là. 50 euros, je te prends. Connard. Pareil, hein, évidemment, parce que t'en as deux, j'imagine. Ouais, ouais, bah, bien sûr, ouais. Bon, bah, j'arrive. T'es vraiment un abruti. Attends, je suis flic, moi, je vais aller déposer plainte. Hein. Ah, bah, c'est pas la peine, hein. Dans 5 minutes, je suis là, moi. Mais bah, viens donc, je t'attends avec le fusil, moi. Moi, je veux dire Carriole Info et puis Romano Mito. Carriole Info, Romano Mito. Bah, moi, je ne saurais pas su quoi dire. Romano, tu vas nous dire. Eh bien, tu as gagné ton iPhone 7 pour eux. T'as gagné. Super, merci, vous êtes top. Bernard de la Villardière réveille la famille de Bertrand. Allez. Non, mais allez, vous êtes qui, là? Les ateliers clandestins, voilà, le travail au noir, le trafic de drogue. Ah, la drogue. Vous êtes quoi, capitaine? Absolument. Oh. Je suis blonde, hein, désolé. C'est plutôt bas de gamme, à mon avis, un peu vulgaire. Vous n'avez pas une blague sur les blondes? Et quand elles ont la vulve très développée, comme ça veut dire quoi? Moi qui ai fait le tour des putes de la planète. Ah ouais, ça. Elles sont toutes belles, à l'intérieur. Mais elles en sont faites du bruit. Le doux est demandé. Skyrock! Ouais, tu nous as fait peur, ouais, c'est gagné, Quentin! Ouais! Et on a cru que t'allais jamais répondre, Quentin! Super. Ouais! Bravo! J'attendais que ça sonnait! Ça sonnait même pas sur mon téléphone! Ah bah oui. Ça sonnait bien, dis donc! Ah ouais, on a eu peur! Très peur! Très peur! Oh, franchement, je vous kiffe, les gars! Je vous kiffe, vous gérez! Bon, toi aussi, t'as bien géré, Quentin! Eh ouais! On est en direct à la radio, Émilie, et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros! C'est vrai. C'est Skyrock. Ouais, c'est bon. Ouais. Bravo. Ça, je suis choquée. Ah bah, il faut c'est pas. Skyrock. T'as vraiment gagné 1500 euros ce matin, Émilie. Ah ouais, la boulette. Le choc dès le matin. Vous entendez le choc, choqué, mais c'est bien. Hein. Agréable choc. Ah bah ouais, 1500 euros, elle a gagné. Bravo, Émilie. Émilie à Amiens et puis à Besançon dans le bus. C'était Quentin qui s'est inscrit au 7-20-20. Mais ouais. Elle a bien fait de s'inscrire au 7-20-20. Bravo, Quentin. Félicitations. Bon, ça fait plaisir. Oui. Il est l'heure de retrouver Fred, puisqu'il est 9h10, t'en es à l'heure, Fredo. Alléluia. C'est incroyable. Incroyable. Alléluia. Mais quelle journée. Les trompettes, sortez l'orchestre, sortez tout. Trompette. Voilà. Waouh. Ah, l'orchestre est là, t'as entendu, hein. Ouais. Ah, grave. Ça va, oui. Ça, c'est de l'orchestre. Ah. Roulement de tambour. Attention. Hop là. Et puis, ils ont oublié un truc dans le zap du morning, dans la meilleure blague de la matinée. Eh ben ouais, tiens, Fredo, je te la dédicace. Un copain. Allons-y. Et je suis très heureux d'être là. La France est un merveilleux pays. Il fait beau, les oiseaux chantent. Eh ben non, il y a plein de noirs et d'arabes. Comment ça j'ai dérapé? J'ai pas dérapé. Si, vous avez dérapé. Non, j'ai pas dérapé. Retourne chez ta mère, pédé. Voilà. Oui. Comme ça, il y a la totale. Je préfère, je sais pas pourquoi, les imitations de Romano. Ah, il le fait très bien. Je trouve qu'il le fait mieux. Yavol. Que c'est beaucoup plus drôle, en fait. Voilà, c'était un de nos invités mystères de ce matin. Ça a permis de gagner un iPhone encore, ça. Ouais. Bon, demain, vos iPhones, demain, vos consoles, demain, DJ Roro, demain, vous tous en direct, les conseils pas chers, les 1500 euros. Inscrivez-vous au 720-20, envoyez 1500 au 720-20 pour augmenter vos chances de gagner. Sinon, attendez qu'on vous appelle, on tire aussi au sort dans les annuaires. On tire partout, hein. Oui. Alors, on est grand tireur, hein. T'as vu ça, Fredo? Je connais, ouais, je connais. Bon. Je fais partie du club. Eh oui. Des grands tireurs. Skyrock. Et ce soir, Soprano a pas loupé. Il est passé nous voir dans la radio libre. À 24 heures de notre départ pour Marseille. Ouais, et demain, c'est Soprano encore dans Planète Rap, mais en direct du Vélodrome. En direct, bah, j'espère qu'il va faire beau parce que j'ai vu le temps là, c'est un peu chaud. Il y a à toi maintenant. Ouais, j'espère qu'il va pas s'envoler parce qu'aujourd'hui il y a du vent. Oui, j'ai vu, c'est assez chaud, hein, sur le sud là. Ouais, j'ai écouté les infos de Rémi, il y a du vent à Marseille, il pleut dans l'Hérault. Bon courage les sudistes. Bon, il va pas y avoir un super temps aujourd'hui pour les autres. Profitez quand même de la journée. Moi qui pensais me baigner vendredi en arrivant. Ah, mais tu voulais te baigner aujourd'hui dans la Seine. Non. Eh bien, on va se baigner dans le sound. Ah, yeah. Ouais, allez, la première radio urbaine mondiale, c'est Skyrock, c'est parti. Un océan de sound. C'est super ça. Ouais. Un océan de sound. Quel beau slogan. Ouais, ah, c'est pas mal. On se croyait sur Chéri FM. Ouais. Bon, vous êtes bien sur Sky. Merci à vous d'avoir passé la matinée avec nous demain matin, le morning, 6h. Ouais. Et ce soir, 21h, on est de retour pour la grande radio libre, la plus grande radio libre de France, entre 21h et minuit. Bonne nuit et à tout à l'heure. Bonne nuit. Excusez-moi, je me suis vendu, je vais faire une petite sieste maintenant. Et bonne année, hein. Bon, en même temps, elle est méritée, hein. Tu peux y aller, dit, faut le tranquille. Merci, Fredo, du super Fred. Hein. Restez bien avec lui jusqu'à midi, là. Bon, bah, bonne nuit, hein. Allez. Et à toutes. À tout à l'heure. Salut. C'est parti, sinon pour tous les autres, bonne journée et bienvenue en ce jeudi matin sur Skyrock Rap R&B en non-stop. On fera tourner tout à l'heure la roulette. Elle vient de tourner à l'instant, des places pour Jul encore à choper. Ce sera avant midi.